Young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time. Pretend, wake up, you need the money. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Press Out The 21 Pilots sur Skyrock. Bonjour à vous tous et bienvenue. 5h59, content de vous retrouver où que vous soyez, partout en France. Merci d'être là, c'est Vincent, on va passer une nouvelle matinée tous ensemble, Morning Best, 3 heures de déconne, même les jours fériés, avec les meilleurs moments du morning de Difool. Alors écoutez Skyrock, un jour férié notamment très très tôt le matin, ça permet de gagner des cadeaux plus facilement. Voilà, il y en a qui ont la tête dans le fion, il y en a qui dorment. Vous restez avec nous, vous allez repartir avec vos places par 5 pour la tournée Skyrock de Rihanna qui va passer mardi du côté du Parc Güell à Lyon. D'ailleurs la première date c'est demain. Rihanna elle arrive en France, elle sera demain à l'Allianz Riviera de Nice dans la matinée. J'aurai également l'enceinte, la Monster Backfloat à vous offrir, plus la triple compile Planet Rap 2016. On a l'arrivée du coach Romano dans quelques minutes pour la première connerie de la matinée. I Took a Pill in Ibiza de Mike Posner aussi pour le son. Et pour l'actu, le sport, Rémi, ouais. Comment ça va Rémi? Ah bah au taquet, défilé tout ça. En mode militaire quoi. Mec, garde à vous. La météo, ça dit quoi? Ça reste moyen encore aujourd'hui côté ciel, quelques orages sur l'île de France et la Normandie, des nuages une bonne partie de la journée, de l'Aquitaine jusqu'aux Alpes, soleil bien présent en revanche sur le pourtour méditerranéen. Les températures ce matin, 9 degrés à Poitiers, 10 à Saint-Étienne, 11 à Lille et à Clermont-Ferrand, 12 à Lyon, 13 à Strasbourg et à Paris, 15 à Nîmes, 16 à Marseille, 18 à Ajaccio. Au meilleur de la journée, il fera 17 à Cherbourg, 19 du côté de Caen, 20 à Lille et à Lyon, 21 à Blois et à Paris, 22 à Bordeaux, 24 à Avignon, 25 à Marseille, 27 à Nice et 28 à Bastia. La pollution nickel, les indices compris partout entre 2 et 4, sauf à 4, nous ça monte à 5. Alicia Keys, Usher, les 21 pilotes, c'est Vita qui se prépare pour le son et là c'est parti pour l'actu. 14 juillet, jour de fête nationale, synonyme comme chaque année de défilé militaire sur les Champs-Élysées. Un événement populaire qui, comme d'habitude, va rassembler des milliers de personnes sur la plus belle avenue du monde. Le défilé mettra à l'honneur cette année l'engagement de la jeunesse dans une armée qui est professionnelle depuis 1996. Les très attendus chars Leclerc côtoieront pour la première fois les quads des forces spéciales. Plusieurs unités sont attendues, comme l'administration pénitentiaire qui sera présente également pour la première fois, ou les douaniers qui n'ont plus défilé depuis quasiment un siècle. Début des festivités à 10h avec 11 500 policiers et gendarmes mobilisés pour assurer la sécurité. Un dernier 14 juillet pour François Hollande, dont le quinquennat prendra fin, vous le savez, en mai prochain. Le président, comme il est d'usage, accordera une interview à la fois sur TF1 et sur France 2. Le chef de l'État répondra à Gilles Boulot et à David Pujadas pendant 45 minutes. L'euro, la loi travail ou encore le chômage seront des thèmes qui seront abordés. François Hollande ne pourra pas non plus échapper aux questions concernant Emmanuel Macron et son mouvement En Marche. Prudence, si vous prenez le volant aujourd'hui, il y a eu beaucoup de monde hier sur les routes. Bison Futé prévoit la même chose. Aujourd'hui, c'est orange sur le plan national dans le sens des départs. Long week-end, hein, c'est aussi le moment où l'on sort pas mal. L'occasion de rappeler qu'il est capital de choisir garçon, ça m'avant de bouger. La route reste la première cause de mortalité sur les routes pour les 18-24. Vous connaissez la rengaine, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Amusez-vous bien en tout cas et bonnes vacances à tous les concernés. Une bonne nouvelle pour nos portefeuilles, les tarifs réglementés d'électricité vont baisser de 0,5% au 1er août, c'est pas grand chose. Mais c'est toujours ça de prix, annonce faite hier par la ministre de l'Environnement et de l'Énergie, Ségolène Royal. 28 millions de foyers sont concernés. Les vacances pour les Bleus qui ont joué l'Euro, mais le retour au vestiaire pour les autres. Les équipes commencent à se préparer tranquillement et les entraînements ont repris là pour quasiment tout le monde. On a, comme tous les ans, droit au premier match amicaux. Hier, on a pu voir Unai Emery à l'œuvre pour la première fois en Autriche, où Paris a affronté West Bromwich. Victoire des Parisiens, 2-1. Belle prestation également de Monaco. Les hommes du Rocher ont largement dominé le Sporting Portugal 4-1. Et toi, Rémi, le retour tout à l'heure dans la matinée pour l'actu et pour le sport. À tout à l'heure. Morning Best. Morning Best. 6h-9h. Morning Show. Les meilleurs moments du morning de Default sur Skyrock. Skyrock. 6h03, nous sommes le 14 juillet. C'est parti pour une grosse matinée de déconne sur Skyrock avec Difool et Romano. Tout ce qui vous a fait le plus marrer tout au long de la saison sur Skyrock. Entre 6h et 9h, l'arrivée du coach Romano. Il y aura les conseils pas chers également dans le cours de la matinée. Vos réveils de stars aussi ce matin. On va utiliser les voix de François Hollande, Cyril Lignac et Nagui pour réveiller des familles. L'horoscope de l'amour, ça sera tout à l'heure à 7h moins le quart. Les cadeaux, j'en ai parlé tout à l'heure dans la roulette. Il y aura votre enceinte, la Monster Backfloat, d'une valeur de 240€. Dès que vous entendez deux titre à la suite de Rihanna, et promis, ça va tomber. D'ici à 9h, vous envoyez Rihanna au 7-20-20 et vous repartirez avec vos places par 5 pour le concert Skyrock de Riri, mardi, du côté du Parc Oel à Lyon. On attaque ce Morning Best avec I Took a Pill in Ibiza de Mike Posner. I took a pill in Ibiza to show a Fiji I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul. Sad souls, darling. All I know are sad souls. Sad souls. Shot. I get along with old timers cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no, cause as soon as the sun comes up I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. If you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know our sad souls, sad souls. Darling, all I know our sad souls, sad souls. Avec tout que Pili Ibiza de Mike Posner sur Skyrock à 6h07, on va avoir une grosse grosse pensée à tous ceux qui travaillent les jours fériés, notamment ce jeudi 14 juillet. On est là avec vous avec les meilleurs moments du morning de Difool. L'arrivée du coach Romano maintenant sur Skyrock, Alicia Keys avec Usher aussi pour If I Ain't Got You et Ride, également le tout nouveau 21 Pilot sur Skyrock. Bonne chance Romano pour tes conseils pas chers. Allô Fred. Allô. Oui. Oui, bonjour, comment vas-tu? C'est qui? C'est Monsieur Lapin, à l'appareil, le coach sportif là. Il y a ta femme qui m'a contacté, elle m'a dit que t'avais pris un peu de poids et que tu voulais perdre un peu avant l'été là. Bah vous rigolez non? Non mais elle m'a dit que... On se connaît pas et moi j'ai pas le temps de vous écouter monsieur. Ah bah moi de toute façon je vais venir à la baraque, il va falloir me donner les 50 euros pour le cours l'ami. Hein. Quoi les 50 euros pour le cours? C'est réservé, faut payer. Hein. Ah moi ta femme elle a réservé un créneau horaire, ça se passe pas comme ça l'annulation hein. Un créneau horaire de quoi? Ma femme elle te connaît même pas, qu'est-ce que tu dis mais tout? Bah c'est pour venir m'occuper de toi. Ouais c'est ça ouais. Bah si, regarde-moi comment t'es. Allez c'est ça allez, moi j'ai pas le temps monsieur. Ah bah je vais venir hein. Ouais bah viens. Ah bah voilà, je viens dans 5 minutes, tu me donnes les 50 euros. Et puis tu dis 50 euros, mais tu rêves ou quoi toi? C'est le prix de la séance. Bah écoute, tu me diras ça en face. Moi je vais te mater un peu, tu vas voir, je vais te montrer ce que c'est de faire du sport le matin moi. Je vais te faire courir dans ton jardin. Allô? Ah, il a eu peur. Bonjour madame. Bonjour. Oui, bonjour, vous êtes? Bah je suis. Bah qui êtes-vous? Celui que vous appelez. Celle que vous appelez. Voilà. Donc, j'appelais pour le cours de sport de Fred, comme prévu par internet. Hein. Bah, vous avez fait une réservation, ma bonne dame. Bah, non. Bah, si. Donc, je vais arriver dans 5 minutes, là. Parce que Fred, j'ai l'impression qu'il fait le malin. Je peux vous dire que quand il va me voir, il va moins le faire. Puis, je vais le faire courir ce matin, moi. Car mon ami, il est coach sportif. Je vais le faire courir à coups de cravache. Comme ça, je vais le faire courir dans le jardin autour de moi. Donc, je vais arriver dans 5-10 minutes, là. Tu dis de se mettre en short? Allô? Je crois qu'il est parti mettre son short. Il est parti mettre son short. Bravo Romano, il est parti mettre son short. Le mec, je l'ai mis mal. Et voilà. Elle est impressionnée. Je vais vous montrer, je vais vous faire un doublé là. Vas-y, on va à notre appel. Allô, va chez Philippe. Bon, allez, c'est reparti chez Philippe. Chez Philou. Non, mais c'est bien de faire toujours un petit peu de sport. Ouais. Après, écoutez, on est comme on est. Hein. Allô? Oui, bonjour, c'est Philippe. Ah non, il est pas là. Ah, c'est sa femme. Oui, bonjour, c'est le coach sportif à l'appareil. Qui? Le coach. Parce que Philippe, là, m'avait contacté, il voulait perdre un peu de poids pour cet été, pour aller sur la plage. N'importe quoi. Parce que là, il se trouvait un peu style baleine, un peu, là. Il y a longtemps qu'il est baleine. Ah. Bah, il a décidé de perdre du poids. Ah bah, tu vois, cette année, il a décidé de baisser un peu en régime, de devenir un peu baleineau, là. Un modèle un peu réduit. Donc, je vais passer à la maison, je vais te proposer le cours à toi, alors. Hein. C'est ça, oui. Ouais, on va faire des pompes ce matin. Ouais, il est pas là hein, pour l'instant. Hein, bah toi, ça te dit pas d'en faire un peu, toi? Comment? Elle aime bien pomper. Ouais, t'es bien pompé, j'imagine. Coquine. Bon, la femme à Philippe, je vais me pointer dans 5-10 minutes en survêt, là. Ouais, t'as raison d'y croire. Hein. Bah, et puis tu vas me donner 50 euros pour le cours, et puis après tu vas pomper. T'as raison d'y croire. Voilà, c'est ça. Puis on finira par du sport en chambre. Allez, va te faire foot. Oh. Va faire du foot. Ouais, c'est ça. C'est plutôt rare, mais une fille qui fait du foot, pourquoi pas de problème. Oui, un peu compliqué. 50 euros, moi je lui fais faire ce qu'elle veut. Hein. Pas de problème. Chez eux, s'ils sont dans un appartement, ça va être un peu compliqué. Mais bon, tout est possible contre un peu d'argent avec les conseils pas chers. On ira sur le parking en bas. Très bien. Merci Romano, bravo pour ce cours de sport. 6h-9h, Morning Show. Le morning de Difool sur Skyrock. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define within, and I've been there before, but that life's a bore, so full of the superficial. Some people want it all, but I don't want nothing at all. for me, the dozen roses. And that's the only way you prove you love him. Listen, baby, hand me the world for the silver. En mode lover, Alicia Keys sur Skyrock avec Usher et Fayen Got You. Il est 6h15, on est le 14 juillet en mode pétard et feu d'artifice ce soir à partir de 21h sur Skyrock dans la radio libre de l'été. Vous retrouverez Nekfeu. On se mettra la fois où Nekfeu était venu, il s'était mis en feu. Voilà, dans Skyrock, à pas louper. Tout à l'heure avec Difool Romano, la Marie Momo, Samy, Karim et Cédric 1. Les meilleurs moments du morning tous les matins sur Skyrock dans le Morning Best. Tout de suite, c'est le réveil de star du président de la République de François Hollande et les 21 Pilots en nouveauté derrière avec Ride. Bonjour monsieur le président de la République, bienvenue à vous François Hollande, il est là, il est avec nous. Tous les pays d'Europe me disent que je suis nul. Mais non. C'est pas facile. Bah oui, c'est pas facile. Ah ça c'est pas facile. Bah oui. Je suis gentil. Eh bien c'est déjà un beau compliment et c'est déjà une belle qualité. Ah ben on va voir ce qu'en pensent les familles. Eh bien il est gentil parce que ce matin il a réveillé les familles de France. François Hollande était là ce matin dans le morning pour réveiller la famille de Gérard. Voilà ce que ça a donné, c'est le réveil de star. Et dans le réveil de star du plus en plus lourd, hein, le président de la République ce matin. Hein. Mais où va-t-on s'arrêter? Alors on va s'arrêter chez Gérard. Oui. Ah. Bonjour. Oui. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, ça va. Mais qui êtes-vous? Je suis président de la République. Mais vous vous foutez de moi ou quoi? Je vais vous raconter une histoire. Ah. Ben, racontez-moi une histoire. Je vais vous parler franchement. Oui. Ouais, je m'en fous, allez-y. J'ai fait la tournée de tous les bistrots. Vous avez fait la tournée des bistrots? Mais... Eh ben, vous devez être dans un bel état. Je ne m'en glorifie pas, hein. Oui, oui, oui, oui. Et mon cul, c'est de la soupe. Mais... Alors... C'est pas moi qui l'ai dit. Oui, oui, c'est moi qui le dis. Et puis vous, vous êtes encore plus con de me dire que vous êtes le président de la République, hein. Si vous voulez, j'ai mis les bouchées doubles. Oui, c'est-à-dire? Tous les pays d'Europe me disent que je suis nul. Ah ben ça ne m'étonne pas. C'est pas facile. C'est pas facile d'être nul. Je suis gentil. Ah bon? Ah, vous imaginez que je vous crois? Ben non, vous prenez vraiment pour la reine des gourdes, hein. J'avais... Ah oui, ben dites-le. Dites-le. Vous me prenez pour la reine des gourdes. Vous avez des informations? Ah oui, moi j'ai des grandes infos. J'écoute les infos comme tout le monde, hein. Moi je n'en avais pas. Ben oui, il faut avoir une télé. Mais si vous allez dans les cafés boire vos sous, vous n'aurez jamais de télé, hein. Est-ce que la France, en Europe, peut être la première? Ouais, faudrait peut-être pas déconner non plus. On est tout près du but. Oh non, alors franchement, vous êtes vraiment le roi, hein. Mais... Non, mais président. Le roi des cons. Non. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est nous les cons. Thank you very much. Alors franchement...

Tu crois que j'en fais trop? On peut tous glisser, y'a que Dieu qui sait. Je me tais quand j'en sais trop. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, font que m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole. Oh non, non, non, non, non. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, à trop m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laisse-les parler, vas-y, laisse-les faire. Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans de sales affaires. Mon marche à la parole, je sais que ça les dérange. Pas de bluff, pas d'effet. On est comme on est. Crois pas que j'en fais trop. On est les mêmes en vrai. Je regarde trop la télé. On a d'autres défauts. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées. Font que m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole. Oh non, non, non, non, non. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées. À trop m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laisse-les parler. Vas-y, laisse-les faire. Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans de sales affaires. Nous on marche à la parole, je sais que ça les dérange. Je sais que ça les dérange, ceux qui pensent sur mon dos. Nous on marche à la parole, je sais que ça les dérange. Je sais que ça les dérange, ceux qui pensent sur mon dos. On en a rien à foutre. Je crois qu'ils m'ont pris pour un autre. Je peux rien faire, c'est pas ma faute. Ça parle, ça rigole. Oh Dieu, nos promesses, nos paroles. Et qu'est-ce que ça peut te foutre? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Où on va, d'où on vient? Où on va, d'où on vient? Rien à faire, je trace ma route. Je marche à la parole. Vas-y, laisse-les parler. Vas-y, laisse-les faire. Moi, je vais pas m'en aller. Je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées. J'en ai rien à faire. J'ai des potons mal barrés dans de sales affaires. Nous, on marche à la parole. Je sais que ça les dérange. Je sais que ça les dérange. Je sais qu'ils pensent sur notre dos. Nous, on marche à la parole. Nous marchons à la parole. Nous marchons à la parole. Nous marchons à la parole. On en a rien à foutre. Il est 6h25, le 14 juillet, les meilleurs moments du Morning de Difool dans le Morning Best. Vous le verrez peut-être, notamment du côté d'Autun, en Bourgogne, ambiancé. Les balles populaires en ce 14 juillet, c'est DJ Roro, alias Romano, que vous retrouvez maintenant sur Skyrock. DJ Roro, mix live. Oui, il mix live. Ah, il est chaud là. Pour vous, ce matin. Tu t'es coincé une boule, Giro. Ouais, excusez-moi, je m'en suis coincé une entre mes deux platines. Ah, bah oui, j'ai bien vu ça. Alors, attention, est-ce qu'on a sélectionné le garçon et la fille qui vont jouer avec nous en direct pour gagner l'iPhone 6 oui. Les deux plus rapides sont avec nous. Lucas d'un côté, en direct de Nantes. Ouais. Bonjour, Lucas. Salut, Lucas. Bonjour. Ça va, l'équipe? Salut, Lucas. Salut. Je te présente DJ Roro, plus célèbre que David Guetta. Bienvenue sur la piste de danse Skyrunk. Plus beau que Cut Killer. Ah oui. Et ouais, c'est DJ Roro. Et on a Amélie aussi au téléphone. Salut Amélie. Salut chérie. Ça va? Ouais, salut bébé Romano. Salut ma belle. Et voilà, les DJ, ça a toujours du succès avec les femmes. Ouais. Toujours, hein, toujours. Alors tiens, je vais vous mettre un peu de fumée, ça va cacher l'autre moche de Cédric. Ah, excusez-moi, je suis obligé de mettre le paquet, vous avez vu le volume qu'il a corporel. Là, on ne voit plus rien. Ah, plus... excusez-moi. Ah, ouais, c'est... Alors, Luc, attention. Tu es à Nantes. Amélie, ouais. Tu es à Noisy-le-Grand, c'est le match Nantes-Noisy-le-Grand. Vous avez trouvé, bravo d'ailleurs. Quoi? Pour votre plus grand plaisir, je vais rechanter. Bah oui, vous avez trouvé ce que nous a chanté DJ Roro il y a un instant. Attention, oui. C'est parti, a cappella comme ça. Hop, je vous le fais sans filet. Écoutez bien. Na na na na. Na na na na na. Qu'est-ce que c'est? C'est Bob Marley. Bien joué. Get up, stand up. Bob Marley avec Get Up, Stand Up. Un point stand chacun. Alors attention, c'est parti, maintenant on va se battre. Lucas et Amélie, vous avez un point chacun puisque vous avez trouvé Bob Marley. Le premier qui a 3 points, ou la première qui a 3 points, gagne l'iPhone 6S. 1, 2, 3. On en a qu'un pour deux. Vous pouvez le couper en deux si vous êtes vraiment généreux quand vous avez gagné pour non, le free. Non, tu le garderas pour toi en entier. Ok. Bon, t'as vu les rats. radins, hein. T'as vu Amélie comme les radins, c'est Lucas, là, c'est dingue quand même. Ah, attention, voilà. Attention, dès que vous connaissez la réponse, vous criez bien fort. Et voici le début du voyage musical organisé par DJ Roro. Il organise un voyage musical et il vous mixe le premier son. Écoutez bien, quand vous avez la bonne réponse, vous y allez. Sur qui tu vas tirer? Jules. Amélie. Amélie, 2 points. Deux points pour Amélie. Attention. Un tout petit peu plus rapide que toi, dis donc. Ouais, c'était My World. Ouais, j'aime bien ça, moi. Il rentre en Azix. Eh oui. C'est un videur, hein, Diffoul. Ouais, c'est videur, c'est pas dealer. Mais... Eh oui, c'est videur. Parce que j'étais en manque. Qu'est-ce que tu veux, Amélie? Ouais, ça doit être ça. C'est ça. Un point de plus pour Amélie, 2-1. Attention, bah, c'est déjà la balle de match. Ouais. Amélie, si tu réponds bien, tu repars avec le téléphone. Lucas, si tu réponds bien, tu reviens à égalité. Attention, quel suspense. C'est parti, mon kiki. Hey. Si vous le trouvez, celui-ci, c'est que vous êtes vraiment très, très, très, très fort. Ok. Ah, c'est les Vigiles. Non. C'est la musique d'Intouchable. Oui. La musique September. Bonne réponse. Et il revient à égalité. Ah. Bonne réponse. C'était September. Earth, Wind and Fire. Et à l'époque, sur les radios, les gens, ils faisaient « Ouais, Earth, Wind and Fire, la terre, le vent, le feu. Ouais. On écoute September. » Et le créateur d'Earth and Fire est décédé. C'est pour ça qu'on voulait lui rendre un petit hommage ce matin à son Sky. Rest in peace. Rest in peace. Ça nous fait donc 2-2. Attention, 2-2. C'est terrible. Ouais. C'est le suspense à son paroxysme. C'est horrible. La balle de match pour l'iPhone 6S. C'est la balle de match. Oui. J'ai mis la musique qui fait peur car j'ai tout dans mes platines. Oui. Alors attention, nous allons partir pour le dernier extrait. Oui. C'est l'extrait de la mort. Ça passe ou ça casse, ça gagne ou ça perd. C'est ça, ouais. Allez, vas-y. C'est qui? Batcon. Ouais. Lucas, c'est gagné. Bravo. Bravo, Lucas. Bien joué. Quelle remontée fantastique. Eh ouais. Amélie, demande-lui la moitié de l'iPhone. Fais quelque chose. Oui, bah non, il veut pas. C'est un radin. C'est un radin. Ah, il est radin. T'es vilain. Ouais, c'est Romano qui dit ça. On t'envoie ton iPhone 6S à Nantes. Bravo, Lucas. Hein. Bravo. Ah, merci, l'équipe. Félicitations. Ça fait des années qu'on essaye en plus. Eh ben, c'est bon. C'était bon pour ce matin. C'est tout bon. Et pour toi, Amélie, on va te faire choisir. Tu prends ou le t-shirt Skyrock ou le maillot de foot, de rugby, de ce que tu veux, de l'équipe de ton choix, celui qui te fait plaisir, ou alors un pack de CD Skyrock. Ou alors un jeu. Un jeu, ouais. Comme ça, tu vas pouvoir t'éclater comme une petite folle. Et je te fais un gros bisou. Bisous Amélie. Ciao. Et tu reviens jouer quand tu veux. Bisous Amélie, on t'embrasse. Ouais, j'y reviendrai. 6h-9h sur Skyrock. Morning Best. Morning Show. Les meilleurs moments du morning de Difool. De la déconne et du son tous les matins sur Skyrock. Le Morning Best avec Drake. Tout de suite. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Il est tout pile 6h30, début des vacances pour pas mal d'entre vous. Le Morning Best, tout ce qui déchire, toute la déconne de Difool et Romano. On prépare l'arrivée de Difool alias DSK et Romano alias Dodo la Saumure qui partent vendre des sucettes à la viande aux familles. Tout ça juste après l'actu et le sport. On fait un point tout de suite avec toi Rémi. Le temps, as-tu de bonnes nouvelles à nous annoncer? Bon, ça reste moyen aujourd'hui côté ciel. On a quelques orages là sur l'île de France et la Normandie. Prévu aujourd'hui des nuages sur une bonne partie de la journée de l'Aquitaine jusqu'aux Alpes. Soleil par contre bien présent sur le pourtour méditerranéen. Les températures ce matin, 9 degrés à Laval, 10 à Orléans et à Beauvais, 11 à Lille et à Rouen, 12 à Toulouse et à Lyon, 13 à Paris, 14 à Biarritz, 16 à Marseille, 17 à Perpignan et 20 à Nice. Au meilleur de la journée, il fera 17 à Saint-Etienne, 19 à Clermont-Ferrand, 20 à Lille et à Lyon, 21 à Orléans et à Paris, 23 à Montauban, 25 à Marseille, 26 à Perpignan et 27 du côté de Montpellier. La pollution, c'est nickel aujourd'hui, les indices compris partout entre 2 et 4, sauf à Cannes où ça monte à 5. Soprano Kenjo Necfeu et l'horoscope de l'amour d'ici à 7h. Et là, c'est parti pour l'actu. Et prudent si vous prenez le volant aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de monde hier sur les routes. Bison Futé prévoit la même chose aujourd'hui. C'est orange sur le plan national dans le sens des départs. C'est un long week-end. C'est aussi le moment où l'on sort pas mal. L'occasion de rappeler qu'il est capital de choisir son SAM avant de bouger. La route reste la première cause de mortalité pour les 18-24 ans. Vous connaissez la rengaine. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Amusez-vous.

6h37, super content d'attaquer ce jour férié avec vous. One Dance de Drake, un son que Skyrock vous a passé avant les radios. Pas mal de monde donc sur la route ce matin. N'oubliez pas de prendre avec vous l'appli Skyrock pour avoir le son de Skyrock avec vous partout en France et partout dans le monde pendant l'été, pendant les vacances. Si vous cherchez des fréquences de Skyrock, vous allez sur le net skyrock.fm. Vous allez retrouver l'intégralité des 230 fréquences de Skyrock partout en France. Ils vous ont fait marrer tous les matins sur Skyrock entre 6h et 9h tout au long de la saison. Vous les retrouvez tous les matins avec les meilleurs moments du morning de Difool dans le morning best à Difool et Romano. À retrouver tout de suite le Diable ne s'habille plus en Prada juste après, c'est la nouvelle de Soprano. Oui, oui. Bonjour Christian. Christian, oui. Christian, oui. Allez, comment vas-tu? Et qui c'est l'appareil? Ah, bah, c'est Dodo la saumure et DSK. Hey, salut, c'est Dominique, je sors de la douche. Est-ce que ça te dirait, Christian, une petite sucette pour ta femme? Mais c'est quoi cette connerie là? Bah, une sucette à la viande. Ah. Spécialité DSK. Hein. Oh, c'est quoi cette connerie là? Ah, bah, c'est une sucette. Bon, on peut pas rentrer trop dans les détails là, on est le matin. Oui. Mais elle est rose au bout. Oui, elle est rose au bout. Et c'est une sucette à la viande. Elle est très très goûteuse. Eh ben, non, connard, t'es qui là? Eh bah, moi je suis l'amant de ta femme, Dodo la saumure. Et donc, elle adore ma sucette. Hein. Non, mais t'en es où là-haut de la ville là? Ah, bah, écoute, moi ce matin je voulais venir hein, parce que je sais qu'elle adore ça. Je voulais non, mais t'es qu'à venir. Ah, bah, on voulait te faire plaisir à toi aussi. On voulait te faire plaisir à toi aussi, tu sais. Je voulais la régaler avec une belle sucette au bourreuse. Mais c'est ça, t'as jamais une racine branlée, t'es qu'à venir, connard. Ah, tu peux la branler aussi, oui. Tu, ouais, c'est ça, ouais. Tu voudras goûter à ma sucette ou à ça? Ah, bah, t'es enculé, pélé, ouais. Oh. Eh bien, je suis heureux. On a fait plaisir à une famille. Allô? Il en informe sa femme, écoute. Oh là, ouais. Il va embrouiller sa femme là. Ah ouais, là. Qu'est-ce que tu suches? Ah, une sucette à la viande, hein. Ah, écoute. Eh ben voilà, très bien. Bon, on lui a fait plaisir. Garde le numéro, lui, il est sympa. Ouais. On l'aime bien, il reviendra dans le morning, promis. 6h-9h, Morning Show. Le morning de Difool sur Skyrock. Monsieur, avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand conseiller des hommes, même en haut lieu. On faisait appel à mes services pour prendre malheureux. Monsieur, tout le monde signait avec moi en fermant les yeux. Sur terre, le péché est un business fructueux. Je faisais mon chiffre en vendant le désir et le feu. Oui, le malheur des uns fait le bonheur du plus véreux. J'offrais le pouvoir au portefeuille du plus généreux. Mais l'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme et ses gosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Non, le diable s'habille plus en Prada. Monsieur, les hommes d'aujourd'hui ont dépassé tous mes vœux. Certains exercent leur folie meurtrière au nom de Dieu. Le pétrole est une raison légitime pour mettre le feu. Certains pays rétrécissent, mais bon, restons silencieux. Malgré sa richesse, l'Afrique a toujours un creux. La télé m'a volé l'éducation de leur morveux. Internet brûle les neurones beaucoup plus que la bœuf. L'enfer n'est plus chez moi, mais bel et bien chez vous, monsieur. Mais l'époque a changé. L'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé. L'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme et ses forces. Il n'a plus d'emprise sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'enfer est bien plus gros sur terre depuis que les hommes font Il nous prépare un grand concert Skyrock pour le mois d'octobre 2017 au Stade Vélodrome de Marseille. Soprano sur Skyrock avec Le Diable ne s'habille plus en Prada. Il y a déjà moyen d'aller pêcher des places à droite à gauche. Et puisqu'on est dans les événements Skyrock, ça y est, elle arrive. Elle sera demain avec Skyrock sur la scène de l'Alliance Riviera de Nice, mardi au Parc Oel à Lyon, le 23 juillet au Stade Pierre Mauroy à Villeneuve-d'Ascq et le 30 juillet au Stade de France à Paris-Saint-Denis. C'est Riri, Rihanna, notre numéro 1 Skyrock, la numéro 1 mondiale. On a des invites à vous offrir en ce jeudi matin, jeudi férié. Principe du jeu, super simple. Dès que vous entendez deux titres à la suite de Rihanna, vous envoyez Rihanna au 7-20-20 et vous repartez avec vos places par 5 pour le concert de Rihanna mardi soir à Lyon. Je peux vous dire que dans une petite trentaine de minutes, il y aura au moins un son de Rihanna, peut-être un deuxième. Voilà, pour gagner vos places pour Rihanna, restez bien à l'écoute. En plus, c'est férié, ça augmente vos chances de gagner. Morning Best qui se poursuit avec Difool et Romano qui vous donne le top 10 des objets qui comptent le top 10 des objets les plus sales, tout simplement. Ken Jones, le son Raga Dancehall de l'été avec Don't Mind et l'horoscope de l'amour dans 54 secondes. Ça va aller, le nouveau tube de Kaina Samet, extrait de son prochain album. Ça va aller, disponible en streaming et sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Je suis la carte de fidélité Castorama et avec mes copines de l'espace carte, nous encourageons tous ceux qui ont des idées à les réaliser. N'est-ce pas les filles ? Oui ! Alors aujourd'hui et jusqu'à dimanche, vos euros dépensés comptent double avec la carte Castorama. Comme ça, vous bénéficiez deux fois plus vite de votre remise fidélité de 10% à valoir sur un prochain achat. Et Castorama est ouvert aujourd'hui. Donc c'est le moment de fond. Oh les filles, on vient me chercher. Voir conditions en magasin sur castorama.fr. Liste des magasins ouverts le 14 juillet sur notre site. Les meilleurs moments du morning de Difool. 6h-9h sur Skyrock. Morning Show. Morning Best. Il est 7h moins le quart, le 14 juillet, c'est parti pour votre horoscope de l'amour. Juste avant de retrouver Difool et Romano, c'est 0 sur 5 de puissance amoureuse pour les vierges et pour les capricornes avec peut-être une décision stupide qui pourrait vous blesser. 1 sur 5 à Gémeaux et Verseau avec la fameuse malédiction des jours fériés qui vous poursuit. 2 sur 5 de puissance amoureuse pour les cancers et pour les lions. Faites attention aux erreurs basiques et aux maladresses. 3 sur 5 de puissance amoureuse pour les scorpions et pour les poissons, à la fois très à l'aise et super couillu, c'est très très bon pour cartonner. 4 sur 5, bélier et balance, sourire en coin et regard sexué, il va se passer des choses. Et enfin, les taureaux et les sagittaires avec une sorte de lien télépathique qui entre vous et la personne de vos rêves, les taureaux et les sagittaires. 5 sur 5 de puissance amoureuse. Morning de Difool, il y a un nouvel épisode maintenant. Difool et Romano et Ken Jones derrière avec Don't Mind. On va parler des objets les plus sales du quotidien. Allez-y, vous nous laissez vos messages, on va faire comme si on faisait un jeu, tiens. Quels sont d'après vous les objets les plus sales du quotidien ? Alors moi je pense à un objet qui vient nous rendre visite régulièrement, tous les matins et tous les soirs, qui fait partie de l'équipe, c'est Cédric. Mais je ne suis pas un objet du full. T'es pas un objet ? Ah bah non. Je peux pas le mettre dans la liste des objets sales. Ah bah non. Pourquoi ? Ça aurait été plus dans la liste des animaux, mais bon. Ah merde ! Je vais pas mettre Cédric, j'avais une idée pour mon jeu là, les objets les plus sales du quotidien, parce que j'ai le classement, hein. Classement qui a été fait par des médecins, tout ça. Moi, il y a mes lunettes. Enfin, des chercheurs, plus précisément. Tes lunettes, elles sont sales, Romano, c'est vrai, souvent. Ouais, souvent, ouais. Bah, tu sais, je voulais pas te le dire parce que je suis plutôt quelqu'un du genre patient, très tolérant. D'ailleurs, je suis en train de les nettoyer. J'aime pas quand t'as tes lunettes sales et que je vois des doigts écrits dessus, là. Bah, ouais, je sais, mais j'ai tout le temps les lunettes sales, moi. Alors, les lunettes de Romano font partie des objets les plus sales du quotidien. Oui, ouais, quoi, appeler les plus de sales. De son quotidien, quoi. De ton quotidien à toi. Qu'est-ce que vous nous dites, là? Téléphone, c'est sale. Les éponges, c'est dégueu. Les téléphones. Oh, putain, il y a plein de messages sur les téléphones. Vos téléphones sont très sales d'après ce que je vois. Il y a Yanzo qui nous laisse un message, Jump qui nous laisse un message aussi. Il y a Rossé, lui, propose des pièces de monnaie. C'est vrai que c'est dégueulasse l'argent. Les pièces de monnaie, ah ouais. C'est sale. L'argent sale surtout, Romano. Ah bah ouais, non mais c'est sale, ouais. Les pompes à essence, c'est dégueu, nous dit Mika du 71. C'est pas un objet du quotidien ? Bah si, quand tu fais ton plein, bien sûr. Bah oui, c'est un objet du quotidien. Alors on a qui au téléphone avec nous ? Roxane, en direct de Nantes. Bonjour Roxane. Salut l'équipe. Salut Roxane. Coucou. Salut Roxane. Et quel est l'objet que tu trouves le plus sale? D'après toi, les objets les plus sales, il y a quoi? Déjà, j'avais entendu dire que les téléphones, c'était plus sale que les chiottes. Alors, c'est confirmé, c'est dans mon classement le téléphone, alors que les toilettes ne sont pas dans les 10 objets les plus sales. Ouais, ah ouais. Non, bah, ils sont pas venus chez moi. Hein. C'est vrai. Mais en général, Cédric, donc les téléphones, oui, c'est dedans. Et puis, t'avais une autre proposition à faire, on m'a dit. Oui, les poignées de porte. Putain, t'en as 2 sur les 10, c'est bien Roxane. Ouais, c'est vrai que les poignées de porte, ouais, c'est dégueu. Ouais. Les poignées de porte font partie des trucs les plus sales. Vous verrez combien c'est classé dans un instant. J'ai une autre idée, moi. Vas-y, vas-y. Je dirais les interrupteurs. Les interrupteurs, je ne les ai pas dans mon classement, Romano. Ah, merde. C'est sale, mais pas dans les 10 premiers. Ah, bah, je les nettoie, moi. On va t'envoyer un cadeau. Bon, ah, bah, tiens, tu vois, c'est pas sale, tu les nettoies. Non, mais, je les lave, je les passe à la machine à laver. Tu veux un t-shirt Skyrock tout propre ou tout sale Tout propre. Roxane. Ah oui. Propre ou sale, tu veux? Entre les deux, c'est mieux. Eh ben, toi, on va tout neuf, il est tout propre, Pas de problème. Il y a Elodie aussi qui avait un truc à proposer. Alors, Elodie, tu proposais quoi, toi? Salut, Elodie. Salut, Elodie. Oui, bah moi j'avais un truc à proposer, bah c'est les cuvettes de toilette les volants. C'est sale chez toi. C'est vrai. Et c'est quoi le deuxième truc que t'as dit? Les volants de voiture. Ah oui, ouais. Les volants. Eh bien, ni les toilettes, ni les volants, il n'y a pas ça dans le classement. Désolé, mais tu pars quand même avec ton t-shirt Skyrock tout propre toi aussi. Ah okay. Non, on va te l'envoyer sale. T'as pas trouvé de bonne réponse, on te l'envoie sale. Oui, c'est la punition. Roxane avait 2 bonnes réponses, t'en as 0, tu dois être puni. On t'envoie donc le t-shirt porté par Cédric. Voilà, pendant 15 jours. Pendant 15 jours, il est pour toi. Sans le laver, ouais. Alors écoute bien les objets les plus sales du quotidien. En 1, les billets de banque et les pièces de monnaie. Ah bah voilà, c'est bien ce qu'on disait, l'argent sale. L'argent, c'est sale. Bah ouais, ça traîne, ça passe de poche en poche, de main en main. Ça traîne partout, c'est sale. Ah bah c'est clair, t'as Roger juste avant, il s'est gratté l'oignon, il prend ses billets. Ok, je vous donne un petit billet de 5 euros. 2, les claviers d'ordinateur. Ouais. Eh ouais, les claviers d'ordinateur. Ah, c'est vrai, c'est dégueu, ouais, des fois. En 3, les menus de restaurant. Alors ça, c'est terrorisant parce que tu vas quand même manger. Tu touches le menu et tu touches un truc, il y a plein de microbes, plein de bactéries, plein de trucs des gens avant. En 4, les réfrigérateurs sont sales. À l'intérieur ou les poignées? Bah, à l'intérieur. Ah ouais. Parce que c'est pas souvent le truc qu'on, c'est pas le truc qu'on lave tous les deux jours. C'est sûr. Donc forcément, tu mets du fromage, il y a des bactéries de fromage qui sont là. Bonjour, j'ai une bactérie de Roquefort, je sens mauvais. Ah, moi je le lave. Hein. Bah, il faut le laver, ouais. Le fromage aussi. Évidemment, le fromage. Je le passe à la machine à laver quand je lave mes chaussettes, c'est à peu près pareil, c'est bon. Non, mais sinon, pour les frigos, il y a des trucs qui existent. Comment c'est le truc carriole qu'on a dans le frigo là qui sent bon? Des croques frigos. Des croques frigos. Ah, des petites boules, ouais. Ouais, c'est des petits œufs. Et dedans, il y a un produit et ça enlève les mauvaises odeurs du frigo. Ouais, c'est l'odeur. Notez bien. Ouais. Les croques frigos, c'est pour vous les filles surtout. C'est comme ça, ouais. En 5, les paillassons. En 6, les bureaux en général. Si vous allez bosser aujourd'hui, bah les bureaux c'est dégueulasse. Votre bureau il est sale. Au bahut, c'était dégueulasse les bureaux du bahut. En 7, les écrans et les écrans de smartphone et les téléphones en général. En 8, les planches à découper, c'est sale. Ça c'est, vous savez, pour faire la bouffe. Ouais. En 9, les cacahuètes des bars. Parce que c'est horrible ça. C'est dégueulasse en plus, c'est le seul truc dans les 10 qu'on mange quand même. Ouais, et puis ça maintenant faut en trouver quand même. C'est vraiment dans les bouibouix. Et ben les cacahuètes. Il y a plus de bars où il y en a encore. Hein. Avec Roger qui a fait pipi puis qui a mis sa main pour prendre une cacahuète juste après. Voilà. Entre 2 verres de rouge. Petite cacahuète au pipi. Et en 10, tu l'avais dit, Roxane, les poignées de porte, 10e du classement. Voilà, donc les objets les plus sales, billets de banque, clavier d'ordinateur, menu des restaurants, réfrigérateur et paillasson sont les 5 premiers. 6h-9h, Morning Show, le morning de Difool sur Skyrock. Hola. Hola, na. You telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she says, I bought it. And I said, na boulet. No matter where I go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she says, I bought it. And I said, na boulet. No matter where I go. You know I love them all. African American, for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she says, I bought it. And I said, na boulet. No matter where I go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame.

Rap R&B dès le matin sur Skyrock à 7h07 dans le Morning Best, les Fifth Harmony avec Work From Home. Alors l'avantage d'écouter Skyrock un jour férié est très très tôt le matin, ça permet de repartir avec des cadeaux plus facilement. Soyez attentifs, on a un titre de Rihanna à vous passer dans quelques secondes. Rihanna, Calvin Harris, This Is What You Came For. Préparez-vous, si jamais on passe derrière un deuxième titre de Rihanna, vous envoyez Rihanna au 7-20-20 et ça sera 5 places pour le concert Skyrock de Rihanna. Ça sera mardi soir du côté du Parc Ouel à Lyon. Tout de suite, on se fait les conseils pas chers de Romano et bah juste après Rihanna. On va parler des régions de France les meilleures en affaires. J'ai le top 3 des régions les meilleures en affaires lors des ventes sur eBay ou sur Le Bon Coin. En gros, c'est ceux qui vendent des trucs et qui se font le plus d'argent comme ça. Ouais. Eh bien, je vais vous donner le classement tout de suite et je remercie d'ailleurs tous ceux qui ont déjà vendu plein de trucs. Ah, c'est qui a vendu des poupées vaudou? David le Portugais. David le Portugais. Je suis un pro des ventes sur Internet. J'ai même vendu une poupée vaudou. Bravo David le Portugais. Il a vendu plein de trucs. Il a vendu de la vaisselle, des assiettes de ses parents, la totale. Ah, bravo David. Félicitations. Hein. Moi, j'ai déjà vendu. J'ai déjà vendu des fausses chaussures sur Le Bon Coin. Ah oui, donc des chaussures à Adidas, mais c'était des Adidas, par exemple. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, quelle est la région de France qui fait les meilleures affaires? Eh ben, Romano, ce n'est pas la Bourgogne. Ouais, bah, j'aurais pensé à la Bourgogne, ouais. La Bourgogne est bien classée. Ah, quand même. Mais pas numéro un. La région dans laquelle on fait le plus d'affaires, c'est-à-dire dans laquelle on vend des trucs et on se fait le plus d'argent, est la région Bretagne. C'est un sondage sérieux. TNS Sofres qui a fait ça. En Bretagne, vous vendez bien 171 € en moyenne par an. Ouais, ça va, ouais. Sur les gens qui vendent, c'est pas mal. Pas mal, ouais. Bah, 171 €, c'est pas mal. Deuxième, l'Île-de-France. Mm-hmm. Eh, les Franciliens sont des pinces avec 159 €. Troisième, la Bourgogne et la Franche-Comté. Ah, ben oui, ça y est, on est là. Vous êtes troisième sur 22 régions. On a pris les vieilles régions de France. Ouais, hein. C'est pas mal. Ouais, pas mal. Bourgogne-Franche-Comté. Après, on trouve la région Nord, la région PACA qui est cinquième. C'est pas mal non plus. Midi-Pyrénées, sixième. La région Rhône-Alpes, septième. Le Poitou-Charente, huitième. Neuvième. C'est marrant, ça. Neuvième, la région Centre. Ouais. Et les derniers, je vous le donne, c'est les Corses. Ah ben voilà. Aïe. Et Alsace-Lorraine, dixième. Voilà, je veux dire. Alsace-Lorraine, numéro 10. Et les Corses, alors? C'est trop fatigant, peut-être. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est possible, ami Corse. Ça t'a donné une idée, Romano, pour des conseils? Bah ouais, on va aller faire un petit conseil pas cher. On va aller faire un tour chez les Bretons. Ah oui, ils sont numéro 1. Ouais. Bah oui, on va négocier avec les Bretons. Oh là, attention. Romano, le plus grand escroc de la radio, c'est les conseils pas chers sur Skyrock. Tu sais qu'on trouve des trucs géniaux hein, sur Le Bon Coin, sur eBay, tout ça, c'est vraiment super. Tu veux un chariot élévateur? Ah bah j'en rêvais. Il y a un mec qui vend un chariot élévateur. Mais j'ai ça. Hein. J'ai également une jument. Tu veux une jument? Mais une jument bien pratique. Mais bien pratique pour se déplacer. Bah attends, surtout dans Paris. C'est écologique. Ah oui. Attends, la maire de Paris va être en transe si je me trimballe en jument. Mais elle va lancer. Elle va monter des écuries dans Paris. Hein. Oui. Jument libre. Ah bah c'est ça, mais... Magnifique cette idée là. Bon, qu'est-ce qu'on prend là? On a un puzzle aussi si tu veux. Un puzzle de 300 pièces. Bah du coup, je vais peut-être prendre la jument pour la bouffer. Allez, la jument pour la bouffer, c'est allez. Parti. Allez, hop. C'est les conseils pas chers. Conseils pas chers tuto démonstration hein, ce matin. La jument pour la bouffer, mais quelle bonne idée. Puis un jar filera Findus, à une époque c'était la mode de faire des gratins au cheval. Magnifique. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, je vais vous appeler pour la jument à vendre. Oui. Oui, je serais éventuellement intéressé pour vous la prendre. D'accord. Alors, combien elle pèse la belle bête? J'en sais rien, mais ce serait pas pour la viande, ce serait mieux. Ça serait pas pour la viande, comment ça? Elle veut pas que tu la bouffes, quoi. Ah bah, moi, écoutez madame, j'ai une boucherie chevaline, alors je vais pas la mettre dans la vitrine. De toute façon, vous n'en voulez plus. J'en veux plus, je veux pas la garder, mais j'ai l'impression que c'est... Ah non, pas du tout, madame, c'est du sérieux. J'ai boucherie chevaline, la pince, l'appareil. Oui. Je peux arriver là directement avec mes couteaux, le matériel, pour la découper sur place. C'est une pub pour la radio ou quoi? Vous foutez de moi? Ah non, pas du tout, madame. Vous avez vu, il faut louer un camion et tout. Moi, j'ai pas tout ça, je la découpe, je fous ça dans le coffre et puis c'est parti. Hein. Mm-hmm. Ah bah, c'est rigolo, c'est pas mal. Hein. Ah bah, je viens ce matin. Bah oui. Ah bah voilà, nickel, combien vous la vendez? Oh, je vous la donne. Ah bah c'est parfait. Pour la découper, la mettre dans le coffre de la voiture. Bravo, hein, bravo. Encore mieux que ce que j'espérais. Allez, ça, c'est de la dégâts. Ah bah, je viens dans la matinée, j'arrive avec les couteaux, tout ce qu'il faut. Et vous amenez le hachoir aussi, comme ça je prendrai quelques petits steaks hachés avant bah, que vous la prenez. Y a pas de problème, limite on pourra en manger ensemble. Ça peut être pas mal. En souvenir d'elle. Oh, pour le prix, hein. Comment elle s'appelle, la belle jument? Oh, je sais pas comment est-ce qu'on va pouvoir l'appeler. Findus. Bah Findus. Allez, hein. Bah, voilà, on en parlait il y a un instant en plus. Hein. Bah voilà. Allez. Bon ben, Ah, attends, excusez-moi, il y a un cheval. On va tout découper. Il attend depuis tout à l'heure qu'on le découpe. Bah oui, il faut lui couper la langue pour qu'il arrête de venir. Ah non, mais vous inquiétez pas, j'ai les couteaux. Ah voilà. J'ai tout ce qu'il faut. Voilà. Équipé, quoi. Eh bien, merci madame, alors. J'en ai déjà coupé des bêtes. Eh ben, à tout à l'heure, au revoir. Au revoir. Oh là, bravo, ça mérite un bip-bip, ça. Ah ouais. Ah ouais. Ben voilà. Carrément gratuit. Ouais, gratuit, complètement gratuit. On s'attendait à une petite ristourne, pas du tout. Non, mais là, c'est même plus de la ristourne, là, c'est gratos. Mais on t'a pris pour qui, Romain? Une ristourne. On l'a gardé deux minutes, c'est elle qui me donnait du pognon. Tu vas pas te contenter d'une ristourne. Bah non, bah là, gratuit à l'œil, on va passer du cheval pendant un moment. Exactement. 6h-9h, Morning Show. Le Morning de Difool sur Skyrock. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Like Randy, the chopper go out to for granted. Then they pull

Carrefour. Au fait, Franck, on prend quel vin pour le dîner chez tes amis? Ils sont plutôt rouges, blancs, rosés? Alors là, aucune idée. Ah, bah on n'a qu'à prendre du rosé. Surtout que jusqu'à ce soir chez Carrefour, pour deux bouteilles de rosé achetées, la troisième est gratuite. Ah, je vois qu'en matière d'économie, madame est une connaisseuse. Oh, merci chérie. Jusqu'à ce soir, dans vos hypermarchés Carrefour, pour deux bouteilles de rosé achetées, la troisième est gratuite. Vos magasins Carrefour sont ouverts aujourd'hui. Voir liste sur carrefour.fr. Valable sur les bouteilles et fontaines à vin, hors champagne et vin pétillant rosé. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Carrefour. 7h22, le Morning Buzz, 14 juillet, dit fête nationale, bal populaire et fête dans tous les sens. On commence à attaquer la teuf maintenant avec le blind test de DJ Roro dans le Morning Buzz. 12 platines, 816 boules à facettes, 59 machines à fumer. C'est DJ Roro sur Skyrock. Ouais, DJ Roro sur Skyrock. C'est l'heure de jouer avec DJ Roro maintenant. Vous avez découvert le morceau qui nous a chanté un générique d'émission télé il y a un instant. Formidablement interprété, on peut le dire. Exactement, oui. Et allez, je vous leur fait comme ça pour le plaisir. Ce qui me fait halluciner, c'est que vous êtes plein à avoir trouvé la bonne réponse. La la la la. La la la la. C'est simple, facile, easy baby. Easy baby, on a avec nous Franck de Bussy-Saint-Georges. Vas-y Francky, c'est bon. Qui a trouvé la bonne réponse. Ouais, Francky, ouais. C'est bon. Salut Franck, comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Ça va. Putain, ça déchire, j'essaye souvent. Eh ben c'est bon pour ce matin alors Franck. Eh bien c'est le grand jour. Et tu vas jouer avec une star ce matin qui est aussi au téléphone avec nous et qui a trouvé la bonne réponse. Bonjour Nikos Aliagas. Bonjour Monsieur Aliagas. Bonjour, merci de me faire participer à mon jeu. Oui, en effet, tu vas jouer ce matin au jeu de DJ Roro. Salut Nikos. Salut Nikos, comment vas-tu? Comment vas-tu Nikos? Je vois qu'il veut pas te parler. Nikos, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Ouais. Ah ben alors, il faut répondre qu'on te parle. Alors la bonne réponse, le générique de l'émission, c'était... The Voice. The Voice, bravo Nikos. Oui, c'est The Voice. C'est The Voice. On va te tester. Je sais pas si tu es au courant, mais tu vas jouer contre Franck. Vous allez jouer l'un contre l'autre. Franck, Nikos. Pour découvrir un maximum de sons qui vont être mixés par DJ Roro. DJ Roro peut vous servir. Alors, attention, je vais passer des extraits musicaux. Le premier qui trouve la bonne réponse marque un point. Le premier qui arrive à 3 points, eh bien, gagne le téléphone. Bon, Nico, ça ne te le donnera pas, t'as déjà assez de sous. Merci, Romano. Bah, il est sympa, Romano. Tu joues pour rien, Nico, dis donc. Tu joues pour le plaisir de jouer. Je joue pour la gloire, mon cher Dipoul. Je vais perdre. Franck, je le sens chaud, la Franck. Ouais, t'as vu un peu. Hein. Alors, attention, il va mixer. C'est parti. Pour le premier extrait musical, en avant Guingamp. Allez, c'est parti, écoutez bien. Le son, c'est celui-ci. Ah, c'est Will Smith. Non. Merde. Mais non. Non, mais putain, c'est quoi? Non, mais je connais que ça en plus. Alors, Nikos de The Voice, ça change un peu de la télé, hein? Je vous donne un indice. J'ai pas le prompteur là, je suis. Ah, bah ouais, la radio, t'as vu. Hein. Ah, je vous donne un indice, bière. Non, mais je connais la chanson, je me souviens plus du nom. Il y a deux bières. C'est le titre ou l'interprète, hein? Bière. Véronique Sanson. Ouais. Presque. Et non, il s'agissait de Tupac. Bière, Tupac. Ah, mais oui. Ouais, je suis con. Ah, mais oui, putain, je connais que ça. Avec c'est California Tupac. Love. Eh bien, je vois que ça commence fort ce matin. Ouais. Nul. C'est pas la grave. On va passer à un deuxième son. Et attention, c'est reparti, je mixe. Deuxième son à découvrir, écoutez bien. Ah, ça, c'est Rihanna, ça. Rihanna et Drake. Et un point. Un point pour Franck. Je suis en train de me faire avoir là. Ouais, tu vas voir, c'est pas fini. Mais j'en ai un pour toi derrière, à mon avis c'est plus facile. Rihanna, c'était Work. Work. Un point pour Franck, zéro pour Nikos. Nikos, magnifique. Attention. Alors attention, peut-être enfin un point pour Nikos. Rien n'est joué, hein. Ou attention, Franck, c'est peut-être à toi. Nouvel extrait musical, musique, maestro. Ah ouais, accrochez-vous. C'est Lolita. Lolita Alizée. Ouais. Un point pour Nikos, un point pour Franck, à égalité tous les deux. Bravo, bien joué. Donc ça fait 2-1 pour Franck. Pas mal Nikos, pas mal. Bon, Lolita. Bon. Eh ben ouais. Bon réveil. C'est pas ma faute. Hein. Ma langue au chat, je vois les autres. Ah ouais, ça donne envie. Hein. Ah ouais. Bravo les gars. Jeter sur moi, c'est pas ma faute à moi. Non, c'est sexy, hein. Ah bah, c'est sexy. On s'entraîne pour The Voice. Ah, c'est Lolita poil au pied, celle-là. C'est même carrément Lolito, là. Lolito. Lolito, là. Lolito. Bien joué. Alors, attention, nouvel extrait musical, c'est peut-être déjà la balle de match. Et si tu marques, Franck, tu gagnes. Nikos, il faut marquer ou sinon c'est fini. Attention. Attention, okay. Musique. Ça, c'est Zoom Zoom là de Maître Gim. Bonne réponse. Et j'ai gagné. Le nouveau Maître Gims, Zoom Zoom. Bah oui, mais oui, mais oui, mais oui. Mais quoi, ah, mais ça, c'est trop récent. Non, mais en fait, je veux tout vous dire. Oui. Je suis en voiture de ma fille à l'école. Elle me regarde en disant, qu'est-ce que la c'est honte. Que ce papa totalement nul et déjanté. Donc, papa, il est albin. Papa, il est fini, papa. Mais non, il est là, papa. Et bon, un point, ce qui est quand même pas mal. Hein. Bah, t'as sauvé l'honneur avec Alizé Lolita. Voilà, on connaît ta culture musicale. Avec Lolita. Et Franck, lui, il gagne son téléphone. Tu prends quel téléphone, Franck? Je vais prendre le 6S. Le 6S, l'iPhone 6S. Eh bien, ouais. Un iPhone 6S, tu peux dire merci à Nikos, il était sympa. Parce que... merci Nikos, ouais, hein. Je le connais. Je le connais, Nikos. Loup. C'est un loup. Il avait toutes les bonnes réponses, mais il t'a laissé gagner parce qu'il est trop bon, hein. Ouais, c'est vrai. Et Nikos, on voulait te souhaiter un joyeux anniversaire. Ah, ben oui. Merci, mon loup. Oui. Merci bon beaucoup. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Ouais. Quand on s'est connus, les amis, sur Skyrock, quand vous m'appeliez pour me chahuter il y a déjà 15 ans, j'étais déjà vieux. Vous imaginez aujourd'hui. Merci Nikos. Merci. On t'embrasse, t'embrasses ta petite. Hein, ouais, on fait des gros bisous. Oui, t'as fait un bisou. Tu dis bisous Agathe, dis bisous. Bisous Agathe. Et voilà, ah, bah, c'est, oh, mignon. C'est mignon. C'est son premier passage radio. Elle a choisi Skyrock. Elle est bien, elle est comme son père. Hein. Elle ira loin dans la vie. Elle ira loin dans la vie. Je vous embrasse. On t'embrasse, Nikos. Merci, Nikos. Ciao, salut. Franck, tu pourras dire à tous tes potes que t'as joué avec Nikos et que t'as gagné surtout. Et tu lui as mis une vraie raclée. Hein. Ah ouais, ah ouais. Ce que j'allais dire, tu lui as mis une branlée. Hein. Ah bravo, Franck. Et un téléphone pour toi. C'était trop récent. Merci, Franck. Ciao, ciao. Merci à vous. Salut. 6h-9h. Morning Show. Le morning de Difool sur Skyrock. Il ou elle a dit les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne le dirai qu'à toi, ne le dis à personne. Il ou elle a fait, je crois qu'il y a eu mal donne. Ça m'étonnerait vraiment que quelqu'un lui pardonne. J'entends des bruits de couloir au loin qui résonnent. Que ce soit vrai ou faux, tout le monde en fait des tonnes. Dans mon coin ici, l'ambiance est bonne. Non, tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Et. Demain, on aura zappé. Et pas. Laissez-les gourmands. Laissez-les parler. Laissez-les gourmands. Laissez-les gourmands. Laissez-les parler. Laissez-les gourmands. Laissez-les gourmands. Laissez-les parler. Si tu me parles de ma vie, tu sais nada. T'es de ces personnes qui m'étonnent grave. C'est vrai que t'es gentil, mais t'es pas fiable. Encore plus faux que le mec qui n'a pas de défaut. Un tel et un tel sont ensemble, mais c'est vrai. C'est le mytho du coin qui raconte ça. Il a gagné au loto et zappé la mythe. Quand le bonheur s'approche, les jaloux pas. Tu l'as quitté d'après ce que tu racontes. Elle t'a quitté d'après ce qu'elle raconte. Chacun sa raison, tout le monde parle, mais chacun sa version. Laisse-les croire, laisse-les acter. T'es dans l'hypocrisie, on gravit les paliers. Éloigne-moi des soucis, je suis fatigué. J'ai pas leur temps, je m'en sais. Non, tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Et. Demain, on aura zappé. Et pas. Laissez-les gourmands. Laissez-les parler. Laissez-les gourmands. Laissez-les gourmands. Laissez-les parler. Laissez-les gourmands. Laissez-les gourmands. Laissez-les parler. J'ai les oreilles qui sifflent, Premier sur les nouveautés, c'est Skyrock. Zao MHD, la rencontre, c'est Laissez les Kumas. Best, best, best. The morning show. Les meilleurs moments du morning de Difool. Skyrock. 7h32, on attaque une nouvelle matinée, tous ensemble, la matinée du jeudi 14 juillet avec les meilleurs moments du morning de Difool. On prépare le classement des villes qui consultent le plus Jackie et Michel, le réveil de star de Cyril Lignac. Il y aura également Justin Timberlake avec Can't Stop the Feeling. Trouver tout de suite pour savoir tout ce qui se passe dans l'actu et dans le sport. La météo, attention. Ah, c'est moyen. C'est moyen. Ah, 5 sur 10, ça va. Bon, quelques orages, c'est vrai, sur l'Île-de-France et la Normandie. Un petit peu de nuages aussi. De l'Aquitaine jusqu'aux Alpes. Mais, si vous êtes sur la Côte d'Azur, il fera très beau. Parce que aujourd'hui, le ciel est bien dégagé sur le pourtour méditerranéen. Les températures pour ce matin, 9 degrés à Laval, 10 à Orléans et à Beauvais, 11 à Lille et à Rouen, 12 à Toulouse et à Lyon, 13 à Paris, 14 à Biarritz, 16 à Marseille, 17 à Perpignan et 20 à Nice. Au meilleur de la journée, il fera 17 à Saint-Étienne, 19 à Clermont-Ferrand, 20 à Lille et à Lyon, 21 à Orléans et à Paris, 23 à Montauban, 25 à Marseille, 26 à Perpignan et 27 du côté de Montpellier. La pollution nickel, les indices compris partout entre 2 et 4 sauf à Cannes où ça monte à 5. Dès que vous entendez deux titres à la suite de Rihanna, vous envoyez Rihanna au 7-20-20, vous gagnez 5 places pour la tournée Skyrock de Rihanna. On va reparler de tout ça dans pas très longtemps. Là c'est parti pour l'actu. 14 juillet, jour de fête nationale, synonyme comme chaque année de défilé militaire sur les Champs-Élysées. Un événement populaire qui comme d'habitude va rassembler des milliers de personnes sur la plus belle avenue du monde. Le défilé mettra à l'honneur cette année l'engagement de la jeunesse dans une armée qui est professionnelle depuis 1996, les très attendus Charles Leclerc vont côtoyer pour la première fois les quads des forces spéciales. Plusieurs unités sont attendues, comme l'administration pénitentiaire qui sera présente également pour la première fois, ou les douaniers qui n'ont plus défilé depuis quasiment un siècle. Début des festivités à 10h avec 11 500 policiers et gendarmes mobilisés pour assurer la sécurité avant le grand feu d'artifice prévu ce soir à la Tour Eiffel, où là il y a des milliers de personnes attendues à partir de 23h. Et ça sera d'ailleurs à suivre aussi sur la télé pour les autres. La fin de l'opération Sangaris en Centrafrique, décision prise par François Hollande. L'intervention militaire française s'achèvera en octobre prochain. Jusqu'à 2300 soldats avaient été déployés sur place au lancement de l'opération en 2013. Son objectif était de stopper les massacres intercommunautaires dans le pays. Près de 25 000 profs recrutés pour la rentrée, un nouveau record selon le ministère de l'Éducation nationale. Le nombre d'enseignants ayant réussi le concours est en hausse. 93% des postes vacants sont d'ores et déjà pourvus. Une rentrée qui s'annonce bien sombre pour Jean-Marc Morandini, le journaliste d'Europe 1 et de la chaîne Télé Énergie 12, est au cœur d'un scandale depuis quelques heures. Plusieurs comédiens affirment avoir été poussés à s'exhiber nus et à tourner des scènes sexuelles dans une web-série produite par l'animateur. Des accusations très graves qui vont certainement se solder devant la justice. Les patrons d'Europe 1 lui ont d'ailleurs demandé d'écourter ses vacances là à Chicago afin de venir s'expliquer de vive voix. Jean-Marc Morandini nie les faits et a déposé une plainte. Il doit arriver à la rentrée sur iTélé dans une nouvelle formule qui s'appellera CNews. Les journalistes ont d'ores et déjà informé leur direction de leur opposition absolue à son recrutement. Du sport et du foot avec le retour au vestiaire là pour les joueurs de foot. Les équipes commencent à se préparer gentiment. Les entraînements ont repris pour tout le monde. On a eu le droit d'ailleurs au premier match amicaux. Hier, on a pu voir Unai Emery à l'œuvre sur le banc en Autriche contre West Bromwich, match du Paris Saint-Germain. Donc, victoire des Parisiens 2-1. Et puis, belle prestation aussi de Monaco. Les hommes du Rocher ont largement dominé le Sporting Portugal 4-1. Et puis, de la Formule 1 avec une nouvelle séance d'essais privés organisée à Silverstone en Grande-Bretagne. Les écuries ont très peu d'essais au cours de la saison, c'est très important donc, et c'est aussi l'occasion de tester les pilotes de réserve. Kimi Raikkonen a signé le meilleur temps pour Ferrari, mais il est talonné par deux espoirs tricolores, Esteban Ocon qui roulait sur Mercedes pour l'occasion, et se hisse deuxième devant Pierre Gasly, le pilote réserviste de chez Red Bull. Merci pour toi Rémi, et toi ton retour, ça sera tout à l'heure pour l'actu et pour le sport. À tout à l'heure. Les meilleurs moments du morning de Difool. 6h-9h sur Skyrock. Morning Show. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. Where to hide when I'm getting you close. When we move, pushing on. I don't need no reason. Don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop, stop, stop. Content d'attaquer cette journée du 14 juillet avec vous tous. Justin Timberlake, numéro 1 des ventes de son en France et aux États-Unis, est découvert en France sur Skyrock. C'était Can't Stop the Feeling, le morning best qui se poursuit. Tiens, un petit big up également à tous ceux qui prennent la route. Il y a pas mal de monde sur la route des vacances encore en ce jeudi matin. Pensez bien à prendre avec vous l'appli Skyrock. Voilà, l'appli Skyrock qui vous permettra d'avoir le son de Skyrock avec vous partout en France et partout dans le monde pendant les vacances. Et toute la liste de toutes les fréquences de Skyrock à retrouver sur le net, c'est skyrock.fm. Morning Best avec les meilleurs moments du Morning de Difool. Un nouvel épisode, c'est maintenant. SCH, aussi le Marseillais avec Je la connais. On a le temps de faire un petit point sur un des sites qui cartonne le plus en France. Quel site sur lequel vous allez le plus souvent? À part bien sûr le skyrock.fm. Le site ou l'appli? Le site ou l'appli, c'est comme tu veux. Je sais pas s'ils ont une appli d'ailleurs. Je suis pas assez obsédé pour ça. Mais alors le site sur lequel vous allez le plus souvent, tiens, dites-nous rapidement sur le 41759 et sur vos applis YouTube. Je bande. Bonjour à toi. Bah écoute, une bonne nouvelle, tu es en forme ce matin. Tu es donc sur YouTube. Juste en dessous, on nous dit Pornhub. Non, c'est pas ça. Moi, je dirais YouTube ou sinon je vais sur le site de mes banques. Le site de tes banques. LCL, la banque Rothschild. Ouais, c'est ça. BNP, HSBC, BNP, la banque du Qatar. Banque. La QNB, Banque Nationale of Qatari, la Banque des Émirats Arabes Unis, là, toutes ces banques, Romano. UBS, hein. En Suisse. Les banques suisses, ah, la Banque tout, Nationale de Suisse, tout. Bah, la totale. Donc, tu vas là-dessus. Les autres, vous allez sur quoi? Moi, les sites d'info, j'aime bien. Les sites d'info. Le Parisien, surtout. Le Parisien, parce qu'elle est parisienne, elle se la pète. C'est parisien. C'est une parigote. Paillotte. Moi, je vais voir le Progrès de temps à autre pour savoir ce qui se passe chez moi. Ouais, le Journal de Saône-et-Loire aussi. Mais d'ailleurs, je vous engueule, le Journal de Saône-et-Loire, faudra enlever les parties payantes. Non, mais dis donc. Évidemment. Des fois je vais lire un article, en plus c'est des malades, ils te mettent les 4-5 premières lignes, donc quand tu cliques t'as l'impression que l'article entier va s'afficher, mais pas du tout, en dessous il y a une case, si vous voulez vous abonner, j'ai toujours dit non. Jamais. Bon, plein de YouTube, c'est plein de YouPorn aussi, hein. C'est, oui aussi, oui, j'ai vu, ouais. Jackie Michel arrive là, pas mal. Ouais, bah, justement on va en parler. Hassan 2, lui, il va voir Cdiscount, il aime bien Cdiscount. Voici donc le site dont on va parler ce matin, un des sites qui a permis à ses créateurs de devenir peut-être pas millionnaire, mais de vivre bien. Voici. On dit merci qui ? On dit merci qui ? On dit merci qui ? On dit merci qui ? Merci Jackie et Michel. Merci Jackie et Michel. Mais oui, c'est Jackie et Michel, le site français qui marche le mieux sur le créneau pornographique, bien sûr. Ah bah, c'est un peu leur spécialité en même temps. Hein. Et quelles sont les régions, plus précisément, quelles sont les villes dans lesquelles on va le plus, bon, proportionnellement à la population, sur Jackie et Michel ? Ouais, allez. Dans le Nord. Moi, je dirais Marseille, moi. Dans le Nord, Marseille. Dans la Creuse. Alors, Cédric, tu es complètement à côté, puisque le Nord n'est pas à donf sur Jackie Michel, par rapport aux autres régions de France. Et Carriole nous propose la Creuse. La Creuse. Pourquoi la Creuse? Non, parce qu'elle a plein de clichés de Parisiens à la con, tu sais. C'est à partir du moment où on sent de Paris, pour elle. Il s'ennuie, quoi. Là, voilà. Déjà, elle fait des allergies en sentant de Paris, alors. La ville dans laquelle on va le plus sur Jackie et Michel, proportionnellement à la population, c'est la ville de François Bayrou. La ville de Pau. Ah ouais. C'est à Pau qu'on va le plus sur Jackie Michel. Ils sont de ces coins-là, hein, je crois. Hein. Jackie Michel. Ouais, je crois qu'ils sont un peu dans le sud-ouest. C'est des stars là-bas. Bravo, bravo, bravo. Vous consommez local. Ah ouais, c'est bien. Ouais. Donc c'est à Pau qu'on va le plus sur Jackie et Michel. En deux, c'est au Havre. Amis du Havre, ce matin, eh bien, allez faire un tour sur Jackie et Michel. Vous y êtes déjà à fond dessus. En trois, la ville de Marseille. Cochon. Ah, c'est parce que les Marseillais. Ils aimaient mettre des buts. C'est ça. Ils n'arrivent pas à les mettre sur le terrain, alors. Quatrième, Paris. Ah, les Parisiens sont fidèles, les Marseillais. Cinquième, à Limoges. Sixième, les Orléanais, dans le centre de la France. Et septième, les Bordelais. C'est les sites où on va le plus sur les villes où on va le plus sur Jackie et Michel. Et bien voilà, vous avez notre sondage du jour. On dit merci qui ? Et on dit merci Jackie. Merci et Michel. Jackie et Michel. Jackie et Michel. 6h-9h. Oh, les shows. Le morning de Difool sur Skyrock. Oh, ouais. Motherfuck. Enfoiré. C'est le S sur Sky. S-K-Y. Premier sur SCH. Non, ouais, je la connais. Non, je la connais. Ouais, je la connais. Laisse tomber ta robe par terre. T'es nu, je reconnais mes torts. J'en déduis que t'es pas né d'hier. Je m'en parle en plus, c'est vrai qu'on manque de temps. C'est nous deux, c'est l'heure, nous deux, dans la pièce principale ou dans la salle de bain. Franchement, j'en ai rien à foutre. Je vois tes formes, tu tiens les rênes et t'aimes serrer fort. Pas brasser l'air. Achetons une grande villa sans TVA. Je la connais. Non, je la connais. Ouais, je la connais. Car je la connais. Non.

Oh, plus les gens sont gentils. Plus les gens sont sympas, plus j'ai encore envie d'être sympa. Eh ben, c'est bien, Cyril. C'est quoi, à la fin? C'est Cyril qui est tout ému, sympa. Cyril qui est tout content d'avoir réveillé la femme à Jonathan. 6h-9h, Morning Show. Le morning de Diffoul sur Skyrock. Wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm falling, so I'm taking my time. I'm on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. That's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man. But literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignored them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time. Taking my time on my ride. I'm on my ride. Premier sur les nouveautés, c'est Skyrock avec Ride, la toute nouvelle des 21 Pilots. Et attention, on est le 14 juillet. On est quand même à J-1 d'un événement dont on parle depuis des mois et des mois sur Skyrock. L'arrivée de Rihanna en France. Rihanna, la numéro 1 Skyrock. Rappelez-vous de Stay. Rappelez-vous de Diamonds. Ou encore The Monster avec Eminem. Rihanna, tout simplement l'artiste la plus jouée, la plus diffusée de toute l'histoire de Skyrock. Il y a des places à gagner en ce jeudi matin. En plus, c'est férié. Ça augmente vos chances de gagner. Il y en a plein qui dorment dès que vous entendez deux titres à la suite de Rihanna. Et je peux vous dire qu'on va déjà en passer un d'ici un quart d'heure environ. Si on en passe un deuxième juste derrière, vous envoyez Rihanna au 7-20-20 et vous repartez avec vos places par 5 pour retrouver Rihanna en concert Skyrock. Ça sera mardi prochain du côté du Parc Oel à Lyon. La suite du Morning Bay sur Skyrock. On prépare les conseils pas cher de Romano, c'est juste après ça. Sans place de concert Rihanna à Lyon avec Skyrock. This is Rihanna. Dès que t'entends deux titres de Rihanna à la suite, envoie Rihanna par SMS au 72020 et gagne tes 5 places de concert Rihanna. So you guys ready? 65 centimes plus coût d'un SMS. Géant. Envie de fraîcheur? Les fruits de saison à prix bas sont chez Géant. Par exemple, le melon Origine France catégorie 1, 800 à 950 grammes, est à seulement 3 euros les deux. Oui, 3 euros les deux melons. Géant pour faire le plein de fraîcheur, non? Une offre à retrouver jusqu'au samedi 16 juillet au rayon fruits et légumes de votre Géant. Les prix bas, c'est Géant. Ça va aller, le nouveau tube de Kaina Samet, extrait de son prochain album.

6h-9h. Les meilleurs moments du morning de Default sur Skyrock. De la déconne et du cadeau, même les jours fériés, 8h02, on est jeudi matin, le 14 juillet. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant même. De la déconne avec les meilleurs moments du morning de Default. On prépare les conseils pas chers de Romano. Vous allez découvrir la clinique du pied dans les conseils pas chers. Et puis du cadeau également avec l'enceinte, la Monster Backfloat. On vous l'offre ce matin avec la triple compile Planète Rap 2016. Il y aura une roulette à stopper en direct d'ici à 9h. Faudra envoyer roulette au 7-20-20. On vous donnera le top inscription dans quelques minutes. Maître Gims, ma beauté pour l'actu et pour le sport. Et juste avant, la météo, Rémi, on va tout de suite, ouais. Oh, ça reste moyen encore aujourd'hui. Côté ciel, on a quelques orages sur l'île de France et la Normandie en prévision. Des nuages, une bonne partie de la journée, de l'Aquitaine jusqu'aux Alpes. Par contre, le soleil est bien présent sur le pourtour méditerranéen. Ciel totalement dégagé si vous êtes sur la Côte d'Azur. Les températures ce matin, 9 degrés à Poitiers, 10 à Saint-Étienne et à Nantes, 11 à Lille et à Clermont-Ferrand, 12 à Lyon, 13 à Strasbourg et à Paris, 15 à Nîmes, 16 à Marseille et 18 à Ajaccio. Dans l'après-midi, il fera 17 à Cherbourg, 19 à Caen, 20 à Lille et à Lyon, 21 à Blois et à Paris, 22 à Bordeaux, 24 à Avignon, 25 à Marseille, 27 à Nice et 28 à Bastia. La pollution, c'est nickel aujourd'hui. Les indices compris partout entre 2 et 4, sauf à Cannes où ça monte à 5. On prépare un titre de Rihanna, c'est Only Girl. Y en aura-t-il un deuxième derrière? Peut-être. On en reparle dans quelques minutes. Là, c'est parti pour l'actu. Un dernier 14 juillet pour François Hollande, dont le quinquennat, vous le savez, prendra fin en mai prochain. Le président, comme il est d'usage, va accorder une interview à la fois sur TF1 et sur France 2. Le chef de l'État va répondre à Gilles Boulot et à David Pujadas pendant 45 minutes aux alentours de 13h. L'euro, la loi travail ou encore le chômage seront des thèmes qui seront abordés. François Hollande ne pourra pas non plus échapper aux questions concernant Emmanuel Macron et son mouvement En Marche. Prudent si vous prenez le volant aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de monde hier sur les routes. Ça se répète aujourd'hui. Bison Futé hisse le drapeau orange sur le plan national dans le sens des départs. Un long week-end en prévision. Faites attention et veillez à bien respecter toutes les règles de sécurité. Bonnes vacances en tout cas si vous avez la chance d'en prendre. Un attentat déjoué à Rio à quelques semaines du début des Jeux Olympiques. Djihadistes brésiliens prévoyaient de cibler la délégation française. L'information est révélée par les services de renseignement. L'individu a été interpellé. La sécurité sera maximum pour l'événement qui devrait accueillir plus de 600 000 personnes dans la capitale brésilienne. Sa barbe rousse était connue dans le monde entier. Daesh annonce la mort de son numéro 2, Omar, le Tchétchène. Il a occupé plusieurs postes à responsabilité dans le système État islamique, dont celui de ministre de la guerre. C'est l'agence de presse liée à l'organisation terroriste qui confirme que l'individu a été tué en Irak. Sa tête avait été mise à prix par les États-Unis à hauteur de 5 millions d'euros. Les vacances pour les Bleus qui ont joué l'Euro, ça c'est clair, ils se reposent. Mais par contre, le retour au vestiaire pour les autres, les équipes se préparent tranquillement. Nous sommes en plein mercato, les entraînements ont repris pour tout le monde. Le stress monte petit à petit. Et bien, comme tous les ans, on a le droit aux matchs amicaux. On avait pu voir hier Unai Emery à l'œuvre pour la première fois sur le banc du Paris Saint-Germain. C'était en Autriche, où Paris a affronté West Bromwich, équipe de première ligue anglaise. Victoire des Parisiens, 2-1. Belle prestation aussi pour Monaco. Les hommes du Rocher ont largement dominé le Sporting Portugal, 4-1. Et puis la grande boucle avec la 12e étape aujourd'hui. Les coureurs n'iront pas jusqu'au sommet du Mont Ventoux en raison des vents violents. Décision prise par le préfet et annoncée hier soir par les organisateurs du Tour. L'étape s'arrêtera 6 km plus tôt. Hier, c'est Peter Sagan qui s'est imposé à Montpellier. Chris Froome reste en jaune. Ouais, et il s'est échappé d'ailleurs sur du plat, ce qui est jamais vu. Hein, le maillot jaune comme ça, favori du Tour, qui se barre sur le plat. C'est quand même inédit. On te retrouve tout à l'heure, Rémi. À tout à l'heure. 6h-9h sur Skyrock. Morning Best. Best Morning Show. Les meilleurs moments du morning de Default. Je ne t'ai pas donné tout mon amour. Je ne t'ai pas fait mon plus beau discours. J'ai encore envie de te faire la cour. Tu me verras sous un autre jour. Je suis devenu mon propre fantôme. Face à moi-même, je pleure comme un mort. Je me sens délaissé, ouais. Je l'ai bien mérité, ouais. Ma beauté ne t'en va pas, beauté ne t'en va pas. Pourquoi tu me fais ça, pourquoi tu me fais ça. Ma beauté ne me laisse pas. Ma beauté ne me laisse pas. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. Oui, ton retour est une délivrance. Oui, toi et moi c'est une évidence. Je sais ce n'est pas gagné d'avance. Mais rien ne m'est fait plus que ton absence. À présent tu peux compter sur moi. Tu ne m'en voudras pas une seconde fois. Je t'offrirai la lune à l'ombre de ma plume. Ma beauté repose-toi, ma beauté repose-toi. Je l'ai Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Je l'ai mérité. Dans les rues je vagabonde, je mérite. Dans les rues je vagabonde, fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. T'as tout gâché, dans les rues elle t'abandonne. Et dans la rue elle t'abandonne. Sur la bande-son de Camping 3, ma beauté de Maître Gims sur Skyrock, il est 8h09. Attention, là tout de suite dans le Morning Best, on se fait les conseils pas chers de Romano. Difoulé Romano à retrouver maintenant sur Skyrock, juste derrière un titre de Rihanna. On va écouter Only Girl. Si vous entendez un deuxième son de Rihanna juste derrière, vous envoyez Rihanna au 72020. Vous repartirez avec vos 5 places pour le concert Skyrock de Rihanna. Ça sera mardi au Parc OL à Lyon. Restez à l'écoute, hein. Gardez votre téléphone près de vous. Il est possible que ça tombe. En plus, on est jeudi matin, c'est férié. Voilà, c'est une bonne occasion de griller tous ceux qui dorment. Donc voilà, peut-être deux titres de Rihanna à la suite, juste après les pas chers de Romano. C'est les conseils pas chers. C'est les conseils pas chers. C'est les conseils pas chers. C'est les conseils pas chers. Skyrock, la radio qui vous offre de l'argent et qui vous permet également de gagner grâce à notre meilleur économiste du monde, Romano. Ouais, c'est lui. Alors, les odeurs de pied. Alors, une histoire qui s'est passée à Rotterdam. Là-bas, il y a un étudiant. Ah oui, écoutez bien l'histoire, elle est super. Il y a un étudiant. Alors, le mec, il s'est dit à quel point il devait puer des pieds. Il a été expulsé de la faculté à cause de l'odeur de ses pieds. C'est ouf. Le pauvre. Hein. Expulsé de la faculté. Ouais, c'était, a priori, c'était une infection. Ça devait être violent. Il a porté plainte. Et le tribunal a estimé que le fait d'avoir des pieds malodorants n'était pas une excuse valable pour se voir interdire l'accès à l'université et aux cours. Ah, il leur réintégré. Malheureusement pour ses camarades et ses professeurs, il est de retour. Et ce matin, j'ai monté la clinique du pied. Très bonne idée, Romano, la clinique du pied. Non, mais je sais qu'il y a la clinique de la main qui existe. Oui. Pour ceux qui se coupent la main ou... D'accord, ben, je saurais, si un jour j'aurais envie de me couper la main, j'irai à la clinique de la main. Non, parce que non, je l'ai su parce qu'un jour, Cariole s'était tranché le doigt à la trancheuse à jambon. Oui. Ah ouais. Parce qu'elle est très manuelle. J'ai laissé un bout de doigt par terre, ouais. Ouais. Et donc on avait appelé la clinique de la main. Donc là j'ai créé la clinique du pied. Quelle bonne idée, Romano. Et ce matin, bon, je vais dire aux gens qu'il faut que je vienne m'occuper de leurs pieds parce qu'il y a eu des plaintes des voisins, ça sent mauvais. Oui. Et vous entendez, Cédric n'a pas dit un mot depuis qu'on parle de ça. Bah non, parce que moi ça va, tranquille, hein. Oui. Oui, tranquille. Moi j'ai pas de soucis avec ça. Si nous on en a. C'est les autres qui nous, ouais. Avec d'ailleurs. Je m'occuperai de ton cas après. D'abord les familles. Allez, vas-y, on va chez Alain. Alain. Alain et ses pieds qui puent. Ouais. Alain pour les conseils pas chers. Comment il va le prendre, Alain? Allô. Allô. Oui, bonjour madame. Oui, monsieur. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Monsieur Lapince à l'appareil de la clinique du pied, à l'appareil. Attendez, j'attendais un autre coup de fil. Monsieur. Monsieur Lapince de la clinique du pied, je vous appelais concernant Alain. Alain, son odeur de pied est désagréable pour tout le voisinage. Mais non, là, c'est une blague. Ah non, pas du tout. Il est là, Alain? Je comprends pas. Là, déjà, tout à l'heure, j'ai eu un appel de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et là, la clinique du pied, mon mari n'a rien à voir avec la clinique du pied. Ah bah si. Ah si, je suis un voisin de Alain. Ben voilà. Et un voisin, mais monsieur, on habite en pleine campagne. Oui, et d'abord, oui. Mon mari ne transpire pas des pieds. Ah si, si, je vous assure. Ah si, si, ben c'est une affection. Il y a les vaches qui se sont plaintes du pré d'à côté. Oui, mes vaches se sont plaintes. Bon, là, c'est une blague. Allez. Passez-moi Alain, s'il vous plaît. Non. Ah si, il faut me passer Alain. De toute façon, hein, madame, moi, je vais arriver dans 5-10 minutes, là. Quoi faire? Bah, lui couper les pieds. Vous vous moquez? Non, pas du... Non, mais je vais peut-être pas lui couper. Je vais lui nettoyer, non. Quoi. Écoutez, présentez-vous et Alain va vous parler. Ah ben, je suis le docteur Lapince de la clinique du pied. Non, là, c'est une blague. Ah non, mais pas du tout, madame. Comment ça vient faire? Oui, ben... Il n'a pas de problème de pied. Ah si, il a les pieds qui sentent, hein. Mais arrêtez, monsieur, vous foutez de nous, là. Ah ben, c'est peut-être vous, alors. Allez, hop. J'arrête. Ah non, passez-moi Alain. Mais non, n'arrêtez pas. Oh, oh putain, elle s'est fait monter la dame. Elle a chuffé maintenant. Bah, elle nous a tout fait, elle était morte de rire un moment, après elle était énervée. Ah ouais, elle était à bout de nerfs. Mais j'ai entendu le mari derrière, appelle Cédric. Ouais, ouais, bah, attends, il faut quand même que je lui parle, c'est lui le concerné. Il y a le mari derrière. Oh. Le mari, Alain avec ses pieds. Oh, le mari avec ses pieds. Ah, c'est la femme, elle est énervée là. Tu crois, ouais. Tu crois qu'elle a cassé le téléphone? Ma pute, qu'elle est chaminée. Voilà, ça sonne, ça sonne. Ah. Attention. Encore un. Allô? Oui, je suis toujours là. Oui, bon. Mais arrêtez de vous foutre de nous. Mais madame. C'est un appel masqué d'ailleurs. C'est parce que vous ne voulez pas qu'on vous trouve. Et non, c'est parce que c'est Zorro qui vous appelle. Eh oui, je suis masqué. Moi, je veux pas. Arrêtez de ricaner. Eh ben, moi, passez-moi là et puis je règle le problème. Hein. Je vous le passe, mais je vous préviens qu'avec lui, ça va être vite fait. Parce que moi, je parle, mais lui, il ne parle pas. Ah, ben, ça va être ennuyé au téléphone. C'est pas très intéressant. Oui? Oui, Alain? Oui. Oui, donc je vais venir te laver les pieds, comme j'ai vu avec ta femme, hein. Oui. Elle m'a prévenu que t'avais une odeur assez forte. C'est quoi ces conneries, là? Bah, c'est tes pieds, c'est les trucs avec lesquels tu marches. Ah oui? Ouais. Et normalement, il y en a deux. D'accord. Voilà. Donc je vais venir te couper les ongles, décrotter un peu les orteils. C'est et, ça. Et puis le tout pour 50 euros. C'est ça. Merci. Allez, au revoir. Ah bah j'arrive alors, merci bien. Ah bah c'est plus sympa que ta femme. Ah ouais, mais merci Alain de ta coopération. On te fait un bisou Alain. Allez, au revoir. À tout à l'heure, bisous. Très bien, bah voilà. Ah bah voilà, bah suffisait d'avoir Alain. Bah parfois il faut persévérer. Bah oui. Qu'est-ce que t'es fort Romano pour escroquer les gens, t'es vraiment le meilleur. Bah putain, là aussi le boulot que j'ai à faire quoi. L'autre, il faut que je lui lave les arpions et tout. Bah c'est ton idée, hein. C'est toi qui as ouvert ta clinique du pied. Ah putain, c'est terrible ça. 6h-9h, Morning Show. Le morning de Difool sur Skyrock. Les meilleurs moments du morning de Difool sur Skyrock. Please don't stop the music. Il est 8h22, on accueille Charlène en direct avec nous. Allô Charlène ? Charlène, es-tu là ? Charlène, une fois ? Charlène, allô ? Deux fois ? Oui, Charlène, oui. J'ai eu peur. T'imagines ? tu répondais pas, t'aurais raté Rihanna. Ah bah non. Bon, Charlène, t'as entendu la double à Rihanna, c'est bien ça ? Oui, c'est t'as, ça. T'as envoyé Rihanna au 7-20-20, félicitations Charlène, t'as 20-30 ans. T'es à Chancenay dans le 52 et tu gagnes 5 places pour Rihanna. Merci beaucoup, je suis trop heureux, je suis au travail actuellement, donc ça me met un petit peu du baume au cœur et c'est super. Très content de te remonter le moral, voilà, travailler les jours fériés. On sait que c'est pas facile, on en profite pour faire une grosse dédicace à tous ceux qui sont dans le même cas que toi. Et donc voilà, 5 places, tu verras Rihanna, ça sera mardi du côté du Parc Oel à Lyon. 5 places, hein, tu vas inviter du monde, hein, tu vas te faire plaisir. Oui, super, merci beaucoup. Bisous Chacha, bonne journée à toi. Bisous, à bonne bientôt. Journée. Ciao Charlène, et il y aura d'autres places pour Rihanna à gagner dans la matinée. Hein. Dès que vous entendez deux titres à la suite de Riri, vous envoyez Rihanna au 7-20-20 et c'est 5 places pour le concert de mardi soir du côté de Lyon.

Là c'est dingue. Ok, bonne réponse. Là ça y est dingue. Oui, la Sadaï. La Sadaï. C'est le remix de DJ Roro, c'est ça qu'on chante en boîte. Hein. Ouais, c'est génial. Ouais. Eh bien, un point chacun. Le premier qui arrive à 3 va gagner l'iPhone 6S. Je vais vous mixer des sons. Enfin, Romano va vous mixer des sons. C'est DJ Roro. Ah, DJ Roro va vous mixer des sons. DJ Roro est là pour vous, messieurs, dames. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Attention, j'envoie le premier son. Un iPhone 6S pour deux. Le premier qui arrive à 3 bonnes réponses. Essayez de vous entraîner chez vous, là. Vous avez déjà un point chacun, ouais. Bravo. Ouais. Alors attention, je vais envoyer le premier son. Le premier qui a la bonne réponse, eh bien marque un deuxième point. Attention, c'est parti, musique. Facile. The Weeknd, bonne réponse. Et un point de plus. Allez. Un point pour Kadra. The Weeknd, oui. Je t'appelle également Eminem, ouais. C'est The Hills. Ça nous fait donc 2 à 1, Kadra. C'est ça. Yes. Attention Jérémy, si elle marque son troisième point, elle gagne. Aïe. Attention, danger. Comme tu le dis si bien, DJ Roro. Attention, danger. Tiens, attention, danger, je vais balancer du son à faire péter les boomers. Nouveauté, attention. Rihanna. Bonne réponse de Jérémy. Ouais, ouais. Jérémy qui égalise, on est à donc deux partout et c'est Work, le nouveau Rihanna que vous avez découvert sur Skyrock. Eh ouais, parce que DJ Roro a déjà les nouveautés. Mais DJ Roro, tu me mets sur le cul. Que c'est de nouveautés, incroyable, hein, c'est tendance. Eh ouais, j'en ai du son. Bravo Roro. Ah, j'adore les matchs comme ça nous fait donc deux partout, ça veut dire que tout se joue maintenant. Attention, c'est la balle de match. Alors accrochez-vous. C'est le son qui tue, bébé. Tu peux le dire comme ça, voici le son qui tue. Bébé. René Latempe. René Latempe. Bravo Jérémy. 3 à 2, c'est gagné. Mignon, mais grand. Ah, je me disais, DJ Roro, après avoir écouté Rihanna, Eminem et The Weeknd, tu as changé de style, mais non, tu es revenu à tes racines. Hein. Ah, ça cartonne à Ibiza. Ah, j'adore. À Ibiza, quand ils sont pleins de drogue, ils s'éclatent là-dessus, ils sautent tous en l'air. René Latempe, je suis mignon. Et mignon, 3 mignon. À 2, victoire de Jérémy ce matin. Bravo, Jérémy. Bravo. L'iPhone 6S, il est pour toi, Jérémy, bien joué. Ah, c'est bon, ça. Ah bah c'est bon, surtout quand tu vas le recevoir, ça va être très très bon. Bah bien joué, c'est Marseille qui gagne contre le Nord ce matin. Kadra, tu as bien joué, tu mérites un beau cadeau Kadra. Tu choisis le maillot de foot ou de rugby ou de sport que tu veux, ou alors le jeu que tu veux sur la console que tu veux. T'as un beau cadeau aussi, c'est pour toi ma belle Kadra. Et tu pourras rejouer. Merci. Oui, et pour l'iPhone 6S, ça c'est un super cadeau que vous pouvez gagner tous les matins dans le morning. Jérémy, il est à toi, la prochaine fois que tu nous appelles, c'est avec ton super iPhone 6S. Ah, merci l'équipe. Et de rien, bon, Jérémy. 6h-9h, Morning Best. Morning Show. Les meilleurs moments du Morning de Default sur Skyrock. De la déconne et du son jusqu'à 9h. Avec Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza. Il y a aussi Default qui va vous donner les raisons les plus courantes d'un largage et puis le réveil de star de Nagui aussi. On va utiliser sa voix pour réveiller des familles. C'est prévu d'ici à 9h. Là, on se fait un point sur l'actuel sport. On va savoir tout ce qui se passe grâce à toi, Rémi. Le temps pour aujourd'hui? Eh ben, c'est encore moyen aujourd'hui, le temps. On a quelques orages prévus sur l'île de France et la Normandie. Les nuages, une bonne partie de la journée, de l'Aquitaine jusqu'aux Alpes. Le soleil, par contre, bien présent. Si vous êtes sur l'arc méditerranéen, les températures ce matin, 9 degrés à Laval, 10 à Orléans et à Beauvais, 11 à Lille et à Rouen, 12 à Toulouse et à Lyon, 13 à Paris, 14 à Biarritz, 16 à Marseille, 17 à Perpignan et 20 à Nice. Au meilleur de la journée, il fera 17 à Saint-Étienne, 19 à Clermont-Ferrand, 20 à Lille et à Lyon, 21 à Orléans et à Paris, 23 à Montauban, 25 à Marseille, 26 à Perpignan et 27 du côté de Montpellier. La pollution, c'est nickel aujourd'hui. Les indices compris partout entre 2 et 4, sauf à Cannes où ça monte à 5. Votre enceinte, la Monster Backflow avec la triple compile Planète Rap 2016 a gagné d'ici à 9h. Et là, c'est parti pour l'actu. Un pompier tué, 3 autres très grièvement blessés hier dans les Pyrénées-Orientales. Ils étaient en route pour se rendre sur les lieux d'un incendie quand le conducteur a perdu le contrôle du camion. Plusieurs feux ont détruit des hectares de végétation hier à la fois dans le Haut et les Pyrénées-Orientales. Les autorités ont ordonné l'évacuation de 3200 vacanciers aux alentours de Barcarès. 20 mobilhomes ont été ravagés par les flammes. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a tenu à saluer le courage des 400 sapeurs-pompiers qui sont intervenus sur place. 14 juillet, jour de fête nationale, synonyme comme chaque année de défilé militaire sur les Champs-Élysées. Un événement populaire qui, comme d'habitude, va rassembler des

Urban Music non-stop à 8h38 dès le matin sur Skyrock dans le Morning Best avec I Took Pelini Biza de Mike Posner. On prépare Mustapha Jefferson de Niska et One Dance de Drake et le Morning Best tous les matins sur Skyrock, même en ce jour de fête nationale. Vous retrouvez les meilleurs moments du Morning de Difool, Difool et Romano à retrouver maintenant. On va parler des raisons de largage les plus courantes. Et oui, on va passer à tous ceux qui se sont fait larguer, toutes celles qui se sont fait larguer il y a pas très longtemps. On est avec vous, il faut vous dire que c'est le démarrage d'une nouvelle vie. C'est vrai. J'ai moi-même un ami personnel. Il est chauve, il est très gentil, il est un peu radin, mais il est gentil. Ouais. Et ouais, c'est. Mais je me suis pas fait larguer par la gothique. J'ai un ami personnel qui a mis plusieurs années à se remettre d'un largage de la gothique. Il en parle lui-même. C'est vrai. J'ai rien dit. J'ai pas dit le mot gothique. Il l'a prononcé lui-même en premier. Mais non, parce que non, mais c'est moi qui l'ai largué. Pourquoi tu l'as largué? Pourquoi? C'est quoi la raison pour laquelle tu l'as largué? Elle était si belle, si blanche. Elle était peut-être trop belle. Et si joyeuse. Si agréable. Trop belle et tout ça. Donc j'ai tapé un peu plus bas de gamme, j'ai pris Carriole. Oh c'est gentil pour Carriole, tu vois. Carriole, raison. Je me suis dit, la gothique est trop belle, je vais redescendre un peu au niveau. Carriole, une raison de largage, il est trop radin, tu vas le larguer, c'est ça? Non, moi j'avais pensé trouver l'homme de ma vie, mais bon, visiblement non. Bientôt il va se faire larguer, ouais, c'est possible. C'est possible. Ah, merde. Bon, les raisons de largage pour les garçons et pour les filles, voici notre sondage, notre compile du jour. Le top 5, on va commencer par les raisons de larguer un homme. Honneur à vous les filles, allez. Bah être cocu. Non. Première réponse, plus les mêmes envies. Ah. Ouais. Deuxième réponse, le mec se laisse aller. C'est vrai, quand on est en couple, parfois on se laisse aller. Pas bon, il faut reconquérir sa chérie tous les jours. Fais gaffe Cédric. Oui, ça va, t'inquiète. C'est vrai. En trois, pas sortir, c'est-à-dire que vous êtes toujours à la maison, vous faites chier, pas de vie sociale. Casani, ouais. En quatre, attention, cocufiage. Ou doute de cocufiage. Mmh. Et en 5, ah bah là, vous avez carrément envie d'aller avec un autre, puisque vous avez rencontré un autre homme. Donc là, la raison, elle est simple, c'est je le préfère à toi. Salut, ciao. Voilà, échange standard. Remplacé. Bye bye. Donc ça, c'est les 5 raisons de larguer un mec. Et maintenant, les 5 raisons de larguer une fille. Voici ce qu'ont répondu les gars. Si elle veut un gosse, non. Si elle veut un gosse, non, c'est en deux. Ah ouais. Si elle veut se marier, c'est en deux aussi. Si elle est cocu, non, ça c'est après. Alors, en un, trop étouffante. Ouais. Elle vous étouffe. Ouais. Elle vous pose plein de questions. Elle surveille vos téléphones. Elle veut tout savoir. T'es où? Tu fais quoi? Gnagnagna. En deux, ça va beaucoup trop vite. Donc mariage, bébé. Vous savez, vous sortez avec une meuf. Enfin, vous sortez avec un mec, les filles. C'est vous qui répondez. Mmh. Au bout de non, vous sentez qu'une meuf, les mecs. Au bout de 15 jours, elle veut un enfant. Oui, bah ça peut vous faire peur. Ouais. En 3, l'égoïsme, il ne pense qu'à lui. Mmh. Ou elle ne pense qu'à elle. En 4, une incompatibilité sexuelle. Et en 5, je l'aime plus. Eh ben oui. Non, mais des fois ça arrive. Hein. Bah, c'est une bonne raison, je l'aime plus. Ouais, ouais. Et voilà. Bah, donc, triste fin. C'est le top 5, donc faut pas étouffer vos chéris, les filles. Hein. Ouais, je attention. Vous le dis. Et puis les gars, il faut faire attention aux envies de vos chéris. Mmh. Comme ça, vous pourrez peut-être la garder plus longtemps. Voilà, c'était les quelques minutes badeuses de l'émission. Bon courage si vous êtes en cours de rupture. Ouais, exactement, mais c'était pour vous dire qu'on pensait à vous ce matin sur Skyrock. Oui, courage. 6h-9h, bon, les shows. Le morning de Difool sur Skyrock. Baby, I like your style. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Yeah. Cause if you're down, I'll take it slow. Make you lose control. Taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. À pratiquement 9h moins le quart, le son de l'été, le son des vacances découvert sur Skyrock. Drake avec One Dance, le Morning Best qui se poursuit. On va terminer l'émission juste avant 9h. Vous allez retrouver le réveil de star de Nagui et puis la roulette aussi en prépa. On vous donne d'ailleurs le top inscription, la première roulette de la journée, première roulette de la matinée à l'intérieur. On vous a mis votre enceinte, la Monster Backfloat. Elle vaut 150€. La petite enceinte qui déchire tout à gagner avec en bonus la triple compile de l'été, la triple compile Planet Rap 2016. Jeudi matin, c'est férié, bien évidemment, c'est pas là où vous allez avoir le plus de concurrents et pas là où va y avoir le plus de participants. C'est une belle occasion de tenter votre chance et de repartir gratos et de repartir facilement avec les cadeaux. Pour stopper la roulette en direct, vous envoyez roulette au 7 20 20. Allez-y, hein, faites tout péter par SMS, roulette au 7 20 20. On tire au sort parmi tous vos messages. Donc la roulette qui se prépare et puis l'horoscope de l'amour aussi à pas louper dans 55 secondes. Géant. Envie de fraîcheur? Les fruits de saison à prix bas sont chez Géant. Par exemple, le melon Origine France catégorie 1, 800 à 950 grammes, est à seulement 3€ les deux. Oui, 3€ les deux melons. Géant pour faire le plein de fraîcheur, non? Une offre à retrouver jusqu'au samedi 16 juillet au rayon fruits et légumes de votre Géant. Les prix bas, c'est Géant. Je suis la carte de fidélité Castorama et avec mes copines de l'espace carte, nous encourageons tous ceux qui ont des idées à les réaliser. N'est-ce pas les filles? Oui! Alors aujourd'hui et jusqu'à dimanche, vos euros dépensés comptent double avec la carte Castorama. Comme ça, vous bénéficiez deux fois plus vite de votre remise fidélité de 10% à valoir sur un prochain achat. Et Castorama est ouvert aujourd'hui. Donc c'est le moment de fond. Oh les filles, on vient me chercher. Voir conditions en magasin sur castorama.fr. Liste des magasins ouverts le 14 juillet sur notre site. Morning Best. Morning Best. 6h-9h. Morning Show. Les meilleurs moments du morning de Default sur Skyrock. Juste avant de retrouver le réveil de star de Nagui, comme promis tout de suite, c'est parti pour votre horoscope de l'amour, celui de ce jeudi 14 juillet. C'est 0 sur 5 de puissance amoureuse pour les vierges et pour les capricornes avec une décision stupide qui pourrait vous gâcher la journée. 1 sur 5, les gémeaux et les verseaux avec cette fameuse malédiction des jours fériés qui vous poursuit. 2 sur 5 de puissance amoureuse pour les cancers et pour les lions. Attention aux erreurs basiques et aux maladresses. 3 sur 5 de puissance amoureuse pour les scorpions et pour les poissons, à la fois très à l'aise et super couillu, tout ça c'est excellent pour cartonner. 4 sur 5 de puissance amoureuse, bélier et balance, sourire en coin et regard sexué, il va se passer des choses. Et enfin taureau et sagittaire avec une sorte de lien télépathique entre vous et la personne de vos rêves. Taureau et sagittaire, c'est du tout bon, c'est 5 sur 5 de puissance amoureuse. Premier sur la déconne, ça continue le Morning Best avec Difool Romano et le réveil de star et Niska aussi, c'est Mustapha Jefferson. Et voici maintenant une star qui vient nous rendre visite comme tous les matins. Une star qui présente... N'oubliez pas les... Faites du bruit. C'est Nagui, il fait souvent faites du bruit. On l'avait eu au téléphone dans l'émission, Nagui, les gens. Ah oui, c'est vrai, ouais. Il est sympa ce Nagui. Et il présente également Tout le monde veut prendre sa... place. Et oui, il a deux émissions par jour, lui aussi. Ouais. Vous avez vu, on n'est pas les seuls à faire deux émissions par jour. Hein, ah, les cumulards. Ah, ça cumule. Nagui qui est avec nous ce matin pour réveiller les familles de France. Bonjour. Salut Nagui. Salut Nagui. Comment vas-tu? Vous êtes un boulet. Mais non, je suis pas un boulet. Ah, sympa. Pourquoi il me dit que je suis un boulet? Bon, alors, ce matin, Nagui a réveillé les familles de France. On va y aller, Nagui. Ok. Ah, ben on va y aller, alors, oui. On va réveiller qui? Vous avez une très jolie voix. Oh, il est mignon. C'est gentil. Vous trouvez que j'ai une jolie voix? Oui. Ah, magnifique. Magnifique, je trouve aussi. Cariole, dis bonjour à Nagui. Salut Nagui. Mais c'est quoi cette conne? Ah. Mollo. Oh, bah dis donc, Nagui. I love you, baby. Baby, fais les valises. J'arrive, bébé. T'entends dans Saint-Romano. Ouais, bah écoute. Elle part avec Nagui. Ah, c'était tranquille, si elle pourrait lui arriver des bricoles. Elle part avec Nagui. Ouais. Bon, Nagui qui va réveiller la famille de Laurent ce matin. Le réveil de star. Une star, un appel. On écoute. Eh oui, on a appelé Laurent pour le réveiller. Écoutez ce que ça donne. Nagui est quand même une star de la télé, quand même. Hein. C'est la star de France 2. Hein. Vous savez que c'est lui qui fait tout le chiffre d'affaires de France 2. Ces deux émissions, c'est les plus regardées. Oui, allô. Ah. Bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? C'est qui? Nagui. Je te connais pas, moi. Tu dois confondre, mec. Laurent, aidez-moi. Ouais. Vous êtes avec Martine depuis combien de temps? Bah, je sais pas, moi, je connais pas. J'ai pas de compte à te rendre. C'est beau, un dépucelage, c'est beau. Non, mais bon, allez, vas-y, tu commences à me casser les couilles. T'as, je te connais pas, mais tu me casses les couilles d'entrée de jeu, là. Oula. Comment on fait pour passer à la télé? Ils m'en bat les couilles, hein, t'sais. Pour faire de la télé, il faut être moche. T'as toutes tes chances. Oh putain, attends, je vais sortir, j'ai mal au ventre tellement les bonnes ta vanne. Oh, oh là là, t'es comique, toi. Oh, t'es trop beau. Bah alors, petite loupette, ouais, petite loupette, là. Vas-y, continue, jacte un peu, là. I want your sex. Hein, ouais, bien sûr, pas de problème. T'es une loupette. Je préfère le coup de pied aux fesses. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Toi, tu dois sucer de la queue. Arrête à t'entendre, toi. Oui. Je vais faire économiser de la maille, moi. Bien dehors dans la rue, on va parler. Bunga, bunga. C'est pas drôle, t'es une pauvre merde. J'ai entendu trois trucs à la radio, tu essaies de les refourguer, tu vois. Exact. Écoute un peu. Écoute Skyrock, frère. Au moins, t'auras des mecs qui font des blagues téléphoniques, qui au moins, tu peux te marrer. Il faut que je m'occupe de mes enfants. Ouais. Enfin, c'est pas les tiens, c'est sûrement pas les tiens, les moutards. Hein. Ciao. Ouais, c'est ça. Tu peux aller te pignoler dans les chiottes si tu veux. Hein. Vous avez des gargouilles dans le ventre. Vous sentez pas bien. Ouais, non, mais enfin, tu la ramènes ta gueule depuis tout à l'heure. Je fais des vannes sur des gens que j'aime bien aussi. Hein. Ah ouais, tu m'aimes bien, mais moi je t'aime pas, puis je t'encule, moi, sec. Ah oui. Oh, puis écoute, tu sais, moi, je parle pas aux chiottes, moi. Va te faire enculer, tu me casses les couilles. Qu'est-ce que je m'emmerde à parler avec un branque comme toi. Allez, va te fermer, toi. Va te fermer, toi. Allez, dégage. Faites du bruit, voilà, bonne ambiance. Hein. Ah ouais, bah sacré, ouais. Bonne ambiance. Laurent, auditeur de Skyrock. Et je crois fan de Nagui. Ah ouais. 6h-9h. Morning Show. Le morning de Difool sur Skyrock. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang jeudi matin, le 14 juillet, Niska sur Skyrock avec Mustapha Jefferson. Le Morning Best terminé pour ce matin. Nouveau Morning Best demain matin entre 6h et 9h. Difool également à retrouver tout à l'heure sur Skyrock à partir de 21h. La radio libre de l'été, radio libre du 14 juillet avec Nekfeu ce soir dans l'émission. Nekfeu qui avait mis le feu dans les studios de Skyrock en mode pétard et feu d'artifice. À pas louper tout à l'heure à partir de 21h. À pas louper également le 9-12 de l'été avec Fred. Il y aura Beyoncé, SCH ou encore Estelle et Kanye West. Tout ça à retrouver juste après la roulette. Skyrock t'offre ta toute nouvelle compile Planet Rap 2016. Plus ton enceinte Bluetooth Monster Backfloat. Victorine ? Oui ? Bonjour Victorine. Bonjour. Sois la bienvenue sur Skyrock, t'as 29 ans. T'es à Tourcoing, toi t'as la voix réveillée de quelqu'un qui bosse ce matin, non ? Ah non, pas du tout, mais je vais aller courir. D'accord, la runneuse, Victorine. Voilà, exactement. C'est beau ça, la team des runners représentée par toi ce matin. Oui. Elle est la roulette qui tourne à l'intérieur, la Monster Backfloat, la fameuse enceinte à 150€. Il y a aussi la triple compile de l'été, la triple compile Planet Rap 2016 à choper dans la roulette. Triple compile. Quand tu veux, tu cries stop, Victorine. Ça marche. Bon, c'est une séance de combien qui est prévue ce matin ? Tu vas courir combien de temps ? À 10 km. D'accord, ok, au taquet. Hein. Oui, chapeau. Boîte à la bière, hein, donc ça va être fun. D'accord, ok Victorine. Bon, et bah écoute, à la Skyrock, en tout cas, tu gagnes pour toi la triple compile Planet Rap 2016. À l'intérieur, il y a tous les sons de Skyrock. T'as Jules, t'as Gims, t'as Soprano, MHD, SCH, triple compile, c'est gagné. Puis l'enceinte aussi, la Monster oui, Backfloat. Super. Wow. Voilà, ouh, comme tu dis, Victorine. Voilà, voilà. Le week-end commence bien, ça y est. Exactement, voilà, long week-end férié que tu attaques avec plein de cadeaux qu'on t'envoie à la maison à Tourcoing. Bravo Victorine. Merci, merci, vous déchirez, continuez comme ça, super. C'est gentil. À bientôt Victorine. Amuse-toi à bien. À bientôt. Bon footing. Ciao ciao. Salut, merci. Et bah de rien, big up à tous ceux qui sont au sport en ce jeudi matin, jeudi férié. La prochaine roulette tout à l'heure dans la matinée avec Fred. En place de concert Rihanna à Lyon avec Skyrock. This is Rihanna. Dès que t'entends deux titres de Rihanna à la suite. Envoie Rihanna par SMS au 72020 et gagne tes 5 places de concert Rihanna. So you guys ready? 65 centimes plus coût d'un SMS. Sephora. Trop fin, trop épais, clairsemé, en bataille, faites un geste pour vos sourcils. Chez Sephora, découvrez la nouvelle collection maquillage sourcils par Benefit. Des produits et des conseils de pros pour avoir des sourcils au poil. Venez vite chez Sephora pour un diagnostic personnalisé au bar à sourcils Benefit. Et en juillet, la coloration est offerte. Service gratuit selon disponibilité dans les magasins Sephora détenteurs du bar à sourcils Benefit. Voir sur Sephora.fr. Sephora, au cœur de la beauté. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, je vous mets au jus. Allô ? Pas allô, au jus patron. En ce moment, pendant les jours XXL chez Lidl, le jus d'orange VitaFit 1,5 litre plus 33% gratuit est à 1,09€ les 2 litres. 2 litres de jus d'orange à 1,09€ chez Lidl ? Oui patron, 55 centimes le litre et 100% de teneur en fruits. Du bruit ? Et comment que ça va faire du bruit ? C'est ça, du bruit. Ah, on est mal, on est très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Plus que quelques jours pour profiter des soldes jusqu'à moins 70% sur Zalando. Dépêchez-vous de matcher les styles, les couleurs et vos envies. Sur Zalando, profitez encore d'un choix incroyable d'articles avec des réductions jusqu'à moins 70%. Aujourd'hui, 14 juillet, but est ouvert. Et qui dit 14 juillet, dit moins 14% sur votre produit préféré en gros électroménager, meubles et déco. Jusqu'à dimanche, c'est la fête nationale des promos. But, c'est nous. Offre cumulable avec les promotions en cours en magasin, hors sol des premiers prix, ouverture selon arrêté préfectoral. Pensez bien fort au métier de vos rêves. C'est agréable, n'est-ce pas ? Et maintenant, dites-moi ce qui vous empêche de le faire. Votre âge, peut-être ? Les enfants qui prennent du temps ? Mais du coup, avez-vous pensé au CNED ? Avec le CNED, profitez de formations à distance quand vous voulez et où vous voulez. C'est facile. Avec les contenus personnalisés du CNED, concentrez-vous seulement sur le métier que vous voulez. Chaque année, le CNED accompagne plus de 220 000 personnes vers la réussite, en France comme à l'étranger. Une façon de vous dire que vous n'avez pas rêvé ? Rendez-vous sur CNED.fr. CNED, connecté à votre avenir. À tous ceux qui pensent que le 14 juillet, ce n'est que des feux d'artifice. Eh bien, c'est faux. Du 14 au 17 juillet, Conforama vous offre 50€ par tranche de 300€ d'achat sur tout le magasin. Et c'est en plus des soldes. Ça vous en met plein la vue, là, hein ? Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Bon d'achat valable sur tous les produits hors cuisine. Voir conditions et liste des magasins ouverts le 14 juillet sur Conforama.fr. Le morning de Difool.

ce soir je ne veux pas sortir. Je veux m'isoler, je suis déboussolé. Même avec du monde, je me sens seul. Je veux m'isoler, je suis désolé. Et j'ai cogité toute la nuit. Et j'ai cogité toute la nuit. Et j'en ai fait le tour de ma vie. Et j'ai cogité toute la nuit. And R&B, y'all. New hip-hop. Skyrock. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Skyrock avec à l'instant le son de Rihanna et Calvin Harris, le DJ producteur anglais, c'est ce qu'on écoutait sur Skyrock. Pour l'instant, il n'y a pas un deuxième titre de Rihanna, mais attention, hein, quand il y a deux morceaux de Rihanna à la suite, n'hésitez pas à envoyer Rihanna au 72020. Il y a des places pour son prochain concert, ce sera du côté Lyon, première date demain en France, du côté Nice, et puis ensuite ce sera Lyon, il y a des places à choper. Ce sera en tout cas avant midi, les deux sons de Rihanna à la suite. Là ça continue ?

Skyrock avec les 21 Pilots à l'instant sur Skyrock. Dans 15 minutes, je vous donnerai le coup d'envoi sur Skyrock pour faire tourner la roulette. Ce sera d'ici une petite heure tranquille, hein, la roulette, avec notamment la compile Planet Rap 2016 à choper, puis l'enceinte, hein, qui flotte, l'enceinte insubmersible, la Monster, elle sera pour vous d'ici une petite heure, et coup d'envoi des inscriptions à 10h sur Skyrock. Retour du son tout de suite. On écoutera Drake et One Dance. One more time before I go. Higher powers taking a hold. MHD, Maman J'ai Mal aussi, ça arrive tout de suite. The morning show. Les meilleurs moments du morning de Difool. Tous les matins de 6h à 9h. Mais je suis le petit lapin. Le petit lapin. T'es enculé de tête de con. Ne dis pas ça à un enfant. Je suis en 6ème, j'aimerais que ton mari me parle autrement parce que je vais le dire à ma maîtresse. Eh bah t'as qu'à le dire à mon cul, c'est plus près. 6h, 9h, morning best. Morning show. Réveille-toi tous les matins avec les meilleurs moments du morning de Difool sur Skyrock. Sephora. Trop fin, trop épais, clairsemé, en bataille, faites un geste pour vos sourcils. Chez Sephora, découvrez la nouvelle collection maquillage sourcils par Benefit. Des produits et des conseils de